Alors, salut à vous qui bricolez des réalités virtuelles avec des dés et des écrans en carton. Aujourd'hui, un nouveau podcast game design en jeu de rôle. Et là, je vais me risquer sur un sujet un petit peu savonneux, parce que je suis comme ça, je suis un fou, je suis l'audace incarnée. On va parler de métathéorie. Alors, qu'est-ce que c'est, quoi, qu'est-ce que la métathéorie? Grosso modo, c'est... Donc, vous avez la théorie du jeu de rôle, et donc la métathéorie, en quelque sorte, ce serait la théorie du jeu de rôle. Et puis donc après, on fera un podcast sur la méta-méta-théorie, vous allez voir, ça va être fun. Alors, c'était juste l'idée, en fait, de jeter là quelques réflexions générales qui me sont propres sur la théorie rôliste. Qu'on appelait d'ailleurs à une époque la jeu de rôlologie. Jérôme Larrey utilisait pas mal le terme de jeu de rôlologie que je trouvais rigolo parce que je trouvais que la jeu de rôlologie c'était sans doute moins prétentieux que la théorie rôliste. Et puis il y avait sans doute dans le terme de jeu de rôlologie, c'était l'étude du jeu de rôle. On essayait d'étudier, de comprendre comment ça fonctionne. Tandis que dans théorie rôliste, il y a un peu plutôt un truc un peu dogmatique dans le sens où, alors vous allez me dire des théories, les dogmes, c'est justement deux choses opposées. Mais bon, quand même, dans le langage commun qu'on a tendance à... Un dogme, c'est quelque chose qu'on m'énonce comme étant une vérité. Et voilà, et entre guillemets, qu'on ne cherche absolument pas à remettre en question. Un dogme, ça peut aussi être vu comme... C'est pas quelque chose qu'on énonce comme une vérité, mais qu'on énonce comme une loi. D'ailleurs, à ce sujet, il faudrait que je retrouve. Donc, au cinéma, il y a le dogme, c'était une série de résolutions sur la façon de filmer qui avait été prise par des cinéastes nordiques, notamment Lars von Trier, Thomas Vinterberg aussi, je crois, qui énoncent une série de façons de filmer. Disent, nous, on, voilà, on veut filmer de telle façon. On va filmer à la caméra à l'épaule pour, entre guillemets, pour être vraiment dans une sensation de réel, avec du coup une image qui n'est pas fixe. On joue, il n'y a absolument aucun fantastique ni aucun refus total des effets spéciaux dans nos films. Refus de la dramatisation par la musique, et ainsi de suite. Je crois qu'il y avait des choses telles que une unité de temps. Donc le dogme donc de Lars von Trier et compagnie n'était pas une façon de dire... Que le cinéma ne pouvait pas être autrement. C'est-à-dire, bah voilà, ça c'est notre façon de concevoir le cinéma, c'est comment on le voit, et pour obtenir un certain genre de film. Et donc, comme exemple de film dogme, je crois qu'il y avait aussi le refus des éclairages artificiels. L'exemple de film dogme les plus connus, on a Festen, hein, de Thomas Vinterberg, qui est donc un mélodrame contemporain. Il y a, je crois, Les Idiots, hein, de Lars von Trier. Et puis, on a des films qui s'inspirent du dogme, mais qui dérogent à certains principes. Par exemple, vous avez Dancer in the Dark de Lars von Trier. On va retrouver la caméra à l'épaule, quasiment jusqu'à la nausée. Hein, la première demi-heure de Dancer in the Dark, c'est dur à voir, hein, tellement l'image bouge. Mais il y a le fait que ce soit une comédie musicale, Dancer in the Dark, ça c'est clairement une dérogation en fait au dogme, puisque justement il n'y a pas d'épisode chanté dans le dogme. Et autre film surprenant qui à mon avis s'inspire directement du dogme, c'est Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg. Où on trouve qui est filmé à la caméra à l'épaule. Alors je ne sais pas si tout le film est filmé à l'épaule, mais il y a au moins la mythique première demi-heure, la scène du débarquement, où tout est filmé à l'épaule. Du coup, on a une condition une sensation de réel et d'immersion dans le fait de guerre qu'est le débarquement, qui est vraiment impressionnante. Hein. Pour l'avoir vu au cinéma à l'époque où il était sorti, hein, j'en témoigne. Et finalement, c'est quelque chose qui va essaimer à travers tout le cinéma hollywoodien, alors qu'on part, le dogme part de quelque chose. Le dogme part de cinéastes qui sont vraiment dans le milieu du cinéma indépendant, du cinéma d'auteur, cinéma d'avant-gardiste, et ils se retrouvent en fait exploités dans le cinéma hollywoodien. Autre chose qu'on pourrait relier au dogme, hein, c'est par exemple dans le refus des éclairages artificiels, on a le film, je crois que c'est Barton Fink de Stanley Kubrick, qui est entièrement éclairé à la bougie. Alors bon, pour le coup, c'est antérieur au dogme, hein, mais c'est ce genre de choses qui a pu inspirer le dogme. Et je crois que dans le cinéma hollywoodien, avec notamment il y a une grosse époque de manie des filtres, mais on va retrouver aussi des scènes filmées à la bougie, des choses comme ça. Finalement, le refus de l'éclairage artificiel a amené une réflexion justement sur la lumière, quoi. Alors pourquoi je fais toute cette parenthèse par le dogme? Le dogme, en fait, vise à ce qu'il y a de dogmatique dans le dogme, dans ce qu'on appelle le dogme dans le cinéma. C'est de dire tels moyens produisent tel effet. Si dans le dogme ils refusent de dramatiser par la musique, s'ils refusent de s'ils imposent l'unité de temps, si ils refusent le fantastique et ainsi de suite, s'ils refusent de rajouter une bande sonore. Je crois que la seule bande sonore qui est autorisée, c'est en fait les sons qui vont être produits par. Si quelqu'un joue du piano pendant la scène filmée, bon, on va entendre le piano, quoi. Mais on ne rajouterait pas, dans une scène où il n'y aurait pas d'instrument de musique, on ne rajouterait pas une dramatisation par un morceau de piano. En fait, ces contraintes de mise en scène, elles sont là en fait dans le but de produire un effet. En l'occurrence, dans le dogme, c'est produire un effet de réel, d'humanité, quoi, d'amener quelque part dans une immersion. Et c'est aussi l'idée de produire une sincérité. Alors, il faudrait que je retrouve la référence, mais j'ai peur qu'elle soit difficile à retrouver. Alors, on va retrouver une notion de dogme dans le. Dans les soirées enquête, il y a le manifeste de Turku. Il y a un autre manifeste qui, lui, est beaucoup plus humoristique, avec notamment, voilà, manifeste. Dans le manifeste, c'est pareil. On dit il faut faire comme ça, mais souvent c'est il faut faire comme ça pour produire tels effets. Et par exemple, dans ce manifeste de la soirée enquête, il y avait l'idée que il faut absolument un démon dans une soirée enquête, parce que qu'il se manifeste ou non, en fait, de savoir qu'il pourrait y avoir l'existence d'un démon, ça produit un effet de réalisme magique qui va créer une ambiance particulière, quoi. Et donc il y avait Chaviro sur le forum Quasisno qui avait fait en fait une version humoristique du dogme, notamment il s'inspirait quand même surtout du dogme cinématographique. Et dans sa version humoristique, ben voilà, il disait des choses. Alors, il prenait des choses comme dans la caricature. Par exemple, il disait, il faut absolument pas de naturalisme. Il faut que ce soit toujours fantastique. Il y avait des choses du genre, il faut toujours jeter les dés devant l'écran. Il faut qu'on voit les résultats. On n'a jamais le droit de tricher avec les résultats. Je crois qu'il y avait des choses du genre. Il est interdit de prendre des actions et d'avoir différents effets de roleplay. Il faut jouer les personnages comme on se jouerait nous-mêmes, quoi. Bon, le dogme de Chaviro, il était humoristique, surtout dans le sens où en fait il n'y avait aucun effet, contrairement au dogme cinématographique, il ne cherchait pas une cohérence. C'est-à-dire qu'on voyait bien qu'il y avait des théorèmes, quelque part, qui étaient posés pêle-mêle, des obligations posées pêle-mêle, sans chercher à ce que ça produise un effet cohérent. Et c'est ça, et qu'il y avait le jaillissement humoristique qui venait de là, quoi. Quand on produit de la théorie comme un dogme, il y a une notion, effectivement, il pourrait y avoir une notion de croyance. Alors, soit que la personne qui va écrire le dogme croit vraiment en ses effets, soit elle croit que effectivement telle contrainte produit tel effet, soit elle croit que hors de ces contraintes point de salut, c'est-à-dire on vous propose un dogme comme étant la bonne façon de jouer. ou la seule, la bonne façon de jouer ou la seule façon de jouer. Et notamment au niveau des querelles dogmatiques qu'on peut avoir, c'est tout simplement les querelles sur la définition de jeu de rôle. Est-ce que on est obligé d'avoir du roleplay pour que ce soit un jeu de rôle? Est-ce que du moment qu'on a des artefacts matériels tels que costumes, figurines, voire même dés, est-ce qu'on est toujours dans du jeu de rôle? Est-ce que si il y a une contrainte de script qui est imposée au jeu du personnage, est-ce que si le jeu du personnage est guidé par un script plus ou moins rigide, est-ce qu'on est toujours dans du jeu de rôle ou est-ce que le jeu de rôle c'est l'absolue liberté laissée à la joueuse d'interpréter son personnage comme bon lui semble? Ainsi de suite. Donc ça, ce sont des, on pourrait dire, des querelles dogmatiques. La théorie, si on prend la théorie de dans une acceptation mathématique, on a envie de dire que c'est, je propose des axiomes, un ensemble d'axiomes, c'est-à-dire que voilà, je propose un ensemble de choses que je considère comme vraies pour le jeu de rôle. Et à partir de ça, je vais en déduire des théories. C'est-à-dire en assemblant mes axiomes les uns avec les autres, je vais en déduire des théories. Il y a évidemment deux problèmes à ça, en fait. La première, c'est que les théories ne sont valables que dans le monde de mes axiomes. Donc, par exemple, si je fais une théorie du jeu de rôle qui est basée sur le fait. Je vais essayer de prendre un exemple bidon. Hein. Bah, tiens, tout simplement. Je fais une théorie du jeu de rôle qui est basée sur le fait que le jeu de rôle, c'est une meneuse de jeu, et une seule, et des joueuses, et plusieurs joueuses. Et que donc. Un jeu de rôle sans meneuse de jeu, un jeu de rôle avec plusieurs meneuses de jeu, ou un jeu de rôle solo, un jeu de rôle avec une seule joueuse, n'entre pas dans mes axiomes de ce qu'est le jeu de rôle, n'entre pas dans ma définition du jeu de rôle. Et bien finalement, tout ce que je vais penser avec ma théorie, qu'on va dire, la théorie du jeu de rôle AMJ, n'est pas valable, ou peut ne pas être valable. Si on change, si on passe dans un autre monde, par exemple dans un monde où le jeu de rôle, eh bien, peut être conçu sans MJ, peut être conçu en jeu de rôle solo, et ainsi de suite. Et ainsi, bon, il y a plein de choses. Hein, alors déjà, c'est ça le problème, c'est que j'ai presque envie de dire, du moment que vous lisez un article de théorie rôliste, posez-vous un petit peu la question de quelle est la définition du jeu de rôle que fait l'auteur. Alors, le problème, c'est que très, très généralement, l'auteur ne va pas donner sa définition du jeu de rôle. Et le problème dans les problèmes de perception qu'on peut avoir dans la théorie du jeu de rôle, c'est que les théories sont. Déjà, en fait, on a une notion d'information incomplète, dans le sens où. Déjà, tous les auteurs de jeux de rôle ne citent pas leurs sources dans leurs articles. Donc là, je renverrai à une réflexion de Valentin. Alors, je crois qu'il a fait un. Il a fait un moi, j'ai écouté un enregistrement de ce qu'il a fait. Je ne sais pas s'il est disponible. Si disponible, je vous le remettrai. J'ai peur qu'il soit que privé, mais il faut que je vérifie. Oui, il fait toute une réflexion justement sur qu'est-ce qui se passe si on veut faire de la théorie rôliste de façon scientifique. Il pose plusieurs choses. Il dit. Première chose, il faut citer ses sources. Il faut citer ses sources. Par exemple, si je parle de narrativisme, il faut que je renvoie à des articles sur le narrativisme pour qu'on ait une petite idée de ce qu'est-ce que j'appelle le narrativisme. Donc du coup, si je fais comment si si dans mon article je dis ouais, dans les jeux, si vous voulez faire un jeu narrativiste, c'est bien que vous fassiez de telle façon. Et que nulle part j'explique c'est quoi le narrativisme, et que en plus Je renvoie pas à des articles où il y a la définition du narrativisme qui m'intéresse. Je vais brouiller les pistes. Alors, narrativisme, je prends à bon escient parce que c'est vraiment le terme théorique le plus mal défini du monde. Hein. Si on prend les articles de La Forge, bon, il doit y en avoir pas mal hein, déjà, hein, largement plus d'une dizaine, qui définissent le narrativisme, et dans chaque article, le narrativisme est défini d'une façon différente. Et là, je vous parle vraiment des moments séminaux du narrativisme, hein, donc des articles qui datent d'il y a 10, 10 ans, 15 ans encore. Hein. Alors aujourd'hui, c'est même pas la peine, quoi. Hein. La notion s'est complètement éclatée, quoi. Donc, ce que Valentin dit, c'est qu'il faut citer ses sources, comme ça, ça permet aux personnes qui vous lisent ou qui vous écoutent de parler le même langage que vous, en fait, tout simplement. La deuxième chose qu'il dit et qui est assez intéressante, c'est qu'en fait, il faut se faire relire. C'est-à-dire que une démarche scientifique, elle procéderait déjà dans un premier temps. Alors c'est vrai qu'en l'absence, alors bon, alors attention, il y a tout un tas d'articles consacrés aux jeux de rôle qui le sont faits absolument dans un code scientifique. Tout simplement parce que bon, il y en a un petit peu en France, mais il y en a beaucoup en Norvège, aux États-Unis. On a des articles scientifiques qui portent sur le jeu de rôle. Généralement, en fait, du coup, la science, en l'occurrence, c'est pas la théorie rôliste, la matière scientifique, c'est d'autres matières, quoi. On va faire un article de sociologie sur le jeu de rôle, on va faire un article de narratologie sur le jeu de rôle, et ainsi de suite. Mais bon, disons qu'ils ont une approche scientifique au sens où l'entend Valentin, dans le sens où ce sont des articles qui sont publiés dans des revues scientifiques, mais surtout, c'est ça qui intéresse Valentin, à mon avis. C'est des articles qui, avant d'être publiés, sont relus par d'autres personnes qui vont vous dire ah bah là j'ai pas compris, là tu ne cites pas tes sources, là je ne suis pas d'accord avec tes conclusions. Donc soit tu revois ta copie, soit tu publies l'article en sachant que moi je ne suis pas d'accord, quoi. Ainsi de suite. Alors moi-même là j'envisage, je vais le faire aujourd'hui, enfin si ça se trouve catastrophe. Bon, j'écris maintenant, je vais écrire de moins en moins d'articles théoriques parce que ça prend beaucoup de temps, et puis parce que je suis beaucoup plus à l'aise là maintenant que je peux faire des podcasts solo, donc je suis beaucoup plus à l'aise avec le format podcast. Bon, c'est comme ça. Je crois que j'ai jamais fait relire mes articles de théorie rôliste, parce qu'il faut bien l'avouer, généralement j'étais pressé de publier ça, et donc voilà, il n'y avait pas d'étape de relecture. Il y en a eu quelques-uns qui ont été relus quand même. Au moins quand j'ai, entre guillemets, si vous voyez que j'ai posté un article de théorie sur le blog de quelqu'un d'autre, il était au moins relu par la personne dont c'était le blog, quoi. Alors, les articles que j'ai mis sur les ateliers imaginaires n'ont pas été relus. Hein. C'est-à-dire que ils ont été mis sur ma rubrique sur le forum des ateliers imaginaires. Il n'y avait personne qui validait ou invalidait l'article avant qu'il soit posté, quoi. Et donc, des fois, les articles sont relus une fois qu'ils sont publiés. C'est-à-dire que j'ai eu deux, trois articles où bah, il y a des personnes qui m'ont fait tout simplement des commentaires, quoi. Le problème, en fait, vous voyez, c'est qu'il y a deux choses. C'est que vous dites, bah, ça sert à rien de faire relire mes articles, parce que de toute façon, si les gens sont pas d'accord, ils vont mettre des commentaires. Mais alors déjà, vous voyez que ça affaiblit, enfin, vous prenez des risques. Parce que si vous dites des grosses bêtises, alors quand je dis des grosses bêtises, il n'y a pas de grosses bêtises dans l'absolu, c'est quelque chose de subjectif. Si vous dites des choses que plus tard, vous allez regretter. Si vous les dites et que vous attendez en fait que ce soit dans les commentaires qu'on vous fasse remarquer que ce que vous dites est incohérent avec ce qu'ont dit d'autres auteurs ou avec ce que vous avez vous-même dit avant ou que clairement il y a un moment vous suivez un certain raisonnement qui semble logique et bien à un moment il y a une rupture logique dans ce que vous dites. Ou que dans le même article vous dites à la fois une chose et son contraire. Si vous attendez qu'on vous dise dans les commentaires, bah le problème c'est que le mal il est fait. Vous avez publié quelque chose que vous allez ensuite regretter. et qui du coup, entre guillemets, effectivement, c'est un article. J'en suis même pas à savoir s'il est vrai ou faux. Mais on sait déjà que du coup que c'est un article qui n'est pas rigoureux. Donc la rigueur, c'est de se faire relire. Alors moi, j'ai pas de ni Valentin ni moi ne donnons de nom, un nombre exact de personnes. Combien de personnes doivent relire? Qui doit relire? Alors moi, je dirais qui doit relire? N'importe qui, mais il faut que quelqu'un relise. Il faut que quelqu'un relise. De préférence, quelqu'un qui maîtrise vos axiomes de départ, c'est-à-dire au moins qui est rôliste. Et s'il les maîtrise pas, il faut qu'il puisse avoir accès aux sources, c'est-à-dire qu'il soit prêt à relire votre biblio s'il y a un truc qu'il comprend pas, quoi. Donc on a quand même là affaire à une personne assez rigoureuse, justement. Pour le coup, finalement, la contrainte de quel type de relectrice vous devez avoir, c'est une relectrice qui soit rigoureuse. Et évidemment, une relectrice, vous allez demander pas uniquement une relecture orthographique, mais une relecture de compréhension. Est-ce que je comprends ton article? Et une relecture théorique, c'est-à-dire est-ce que ton article est cohérent entre deux phrases que tu dis, et puis surtout, est-ce qu'il est cohérent par rapport aux sources que tu cites? Et s'il est valable dans le monde axiomatique que tu as défini, quoi. Est-ce qu'il est valable, est-ce qu'il est valable dans ta propre définition du jeu de rôle? Et je pense qu'il faut demander aussi au relecteur, c'est de faire tout simplement le travail de commentaire, c'est aussi, non seulement une fois qu'il a vérifié tout ça, mais de faire des commentaires. Quitte à dire, moi je suis pas d'accord, tout ça, enfin, ce qu'on a d'habitude dans des discussions de forum. Mais l'avantage de faire cette discussion-là avant que ce soit publié, c'est que ça vous permet de sortir un article in fine, en tenant compte ou pas, d'ailleurs vous avez tout à fait le droit d'ignorer les remarques de vos relectrices, mais ça vous permet de sortir un article dont vous serez plus fier, quoi, dont vous serez, voilà, que vous aurez moins à regretter par le futur. Alors, si je pense, il est évident que de toute façon, les articles de théorie que vous aurez faits il y a 10 ans, vous aurez forcément du recul dessus, hein, donc, enfin, tout est regrettable entre guillemets. Hein, c'est presque envie de dire, juger, c'est se tromper, sortir un article de théorie, c'est se tromper, c'est faire une erreur. Et 10 ans après, vous allez regarder vos articles et vous allez vous dire, je suis plus tout d'accord avec ce que j'ai dit à ce moment-là. Donc ça, c'était pas mal. Que je retiens de Valentin, finalement, pour avoir une théorie qui soit moins dogmatique. Citer ses sources pour dire d'où on parle, pour dire ceci est vrai d'après ma définition du jeu de rôle, et puis effectivement se faire relire. Alors, moi, ce que je vais faire avec les podcasts, alors pas faire relire un podcast, ou si je vais le faire d'une certaine façon, c'est que je vais envoyer des liens, je vais sortir un article en fait où il y a les liens vers tous les podcasts que j'ai enregistrés mais que j'ai pas encore publiés. Alors, vous allez me dire, oui, mais si, ils sont publiés, est-ce que tu donnes les liens? Ouais, mais c'est de façon brute et on va dire non officielle. C'est destiné, on va dire, aux théories, enfin, aux personnes qui s'intéressent à mes podcasts de façon un petit peu hardcore, qui aiment bien voir les choses en brouillon. C'est-à-dire, elles vont écouter, ces personnes pourront écouter mes brouillons de podcasts. Et alors moi je changerai pas en fait, quelles que soient les remarques qu'elle me fasse, je ne réenregistrerai pas le podcast. Donc, mais par contre ce que je vais faire, c'est que quand je vais publier le podcast de façon définitive, eh ben je publie dans un article de blog où je cite mes sources, et aussi je vais pouvoir faire des correctifs du coup. C'est-à-dire que on m'a fait remarquer lors de la première écoute qu'à un moment je dis telle chose qui est incohérente. Alors en fait, je vous invite à entendre plutôt telle autre chose. Ainsi de suite. Ou on m'a fait remarquer à l'écoute que je pourrais aussi citer telle autre source. Et ainsi de suite. Alors, sur l'idée de citer ces sources. Alors, il y a deux choses. Hein. Certains vont vous dire que citer ses sources est quasiment le cancer de la démarche universitaire. Dans le sens où en fait, Les universitaires ont en fait un ensemble d'articles de référence qui vont citer ad nauseam et qui en fait ne veulent plus rien dire, qui sont même souvent. Tu vas citer un article, c'est juste parce que dans cet article, il y a deux lignes qui corroborent ce que tu as à dire. Des fois, tu vas citer un article alors que tu dis exactement le contraire, mais que c'est en fait. Parce que ce que tu dis, c'est en réaction justement à l'article. Donc bon, il y a énormément de critiques à faire sur le fait de citer ses sources. Hein, ça peut apporter plein de problèmes. Citer ses sources n'est pas non plus une preuve, forcément une preuve d'ouverture, puisque en fait tu peux toujours citer les mêmes copains entre guillemets, voire même d'une certaine façon être. Moi je sais que ça m'arrive quand même d'être abondamment dans l'autocitation, c'est-à-dire que je vais citer mes propres articles parce que je vais à nouveau remanipuler mes anciennes théories pour en faire de nouvelles. Donc, mais bon, on va dire que c'est c'est une bonne chose à faire. Moi, je me permets d'ailleurs hein, parmi ceux qui citent beaucoup leurs sources, Frédéric Sintès de Limbic Systems, il a systématiquement une liste biblio à la fin de ses articles. Jérôme Larrey, je trouve qu'il le fait assez souvent. Grégory Pogorzelski aussi cite beaucoup ses sources. Alors, il le fait souvent par le biais de liens hypertextes. Hein, donc vous allez dire c'est un peu invisible, mais bon, c'est Internet, hein, donc c'est tout à fait valable un lien hypertexte. Hein, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de faire comme à la fin d'un article universitaire, vraiment le nom des sources exactes, machin. Bon, c'est déjà pas mal, hein, je veux dire, en plus, ça reste un loisir, hein, et on est entre nous, hein, on n'est pas payé, enfin, on n'est pas des chercheurs du CNRS qui sommes payés pour faire des articles, donc moi j'excuse tous les défauts de rigueur du monde, hein, après, ça c'est à vous de voir, on va dire le summum, ce serait effectivement de. Et du coup, on va être obligé de le faire quand tu auras les publications des articles du colloque des 40 ans du jeu de rôle. Là où on a été obligé de faire, donc du coup, on fait notre article et à la fin de l'article, tu as vraiment toutes les références biblio avec les noms des auteurs exacts, le nom exact de l'article, le contexte dans lequel il a été publié. Si c'est un lien internet, il faut que tu mettes le lien a été consulté pour la dernière fois, le temps, tel jour, telle heure, quoi. Hein, ça veut dire que si vous y allez plus tard, ce qui est inévitable, à moins de remonter le temps. Eh bien, il est possible que le contenu soit modifié ou supprimé. Hein. C'est pour ça que quand vous pouvez citer quand même des livres en dur, quoi, où on aurait des contenus entre guillemets qui soient bon, le papier n'est pas éternel, mais bon, avec une meilleure durée de vie. Alors le problème, c'est qu'à l'inverse, on a peut-être une meilleure durée de vie du papier, mais on a un accès qui est bien moindre. C'est vrai que si je cite par exemple pour on va dire faire les choses qui font un petit peu en papier en francophone, si je cite Les Forges de la Fiction d'Olivier Caïra, je crois que l'ouvrage n'est plus. Je sais pas si l'ouvrage est encore distribué, je crois pas, il commence à devenir assez difficile à trouver, quoi. Ou si je cite je peux citer Sortir de l'eau, la collection Sortir de l'auberge, mais après c'est pareil, ça vous oblige entre guillemets à acheter les bouquins, quoi. Et puis ça, il y a un temps, quoi. Il faut vous preniez le temps de vous procurer le bouquin, ça vous coûte du temps, de l'argent. Tandis que si je vous cite un lien internet, ça peut être immédiat et gratuit. Donc les liens internet ont quand même vraiment du bon, hein, évidemment. Moi, je sais que quand je cite de l'internet, si je peux, je cite du francophone aussi. Pareil pour une notion d'accessibilité. Je fais la théorie en français. Par conséquent, je m'adresse à des francophones. Donc, quand je leur fais une biblio, j'essaie de leur faire une biblio francophone. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que, par exemple, si je parlais des nuages et dés, qui est une théorie de Vinschenbecker. Les nuages et les dés, je vais pas renvoyer aux articles de Vinschenbecker sur les nuages et les dés. Je vais renvoyer aux articles de Grégory Pogorzelski qui sont une traduction française des théories de Vinschenbecker. Et après, on a de la biblio en cascade, dans le sens où lui, Grégory Pogorzelski, eh ben, il renvoie aux articles de Vincent Baker. Bon, je sais pas c'est quoi, c'est peut-être moins rigoureux que d'envoyer directement vers la source en anglais, mais on va dire que je pense quand même aussi au côté pratique. Je considère que je fais comme si les personnes qui me lisaient avaient. Ne lisaient pas, je faisais comme si elles ne pouvaient pas lire l'anglais. Moi-même, je sais que je lis un peu d'articles de théorie en anglais, mais je me limite parce que je sais que quand je lis de la théorie en anglais, mon anglais est trop mauvais. Et par conséquent, je fais des contresens en fait. Il y a des choses que je vais comprendre de travers ou des choses que je vais pas du tout comprendre. Donc, quand je lis un article en anglais, on va dire que j'en comprends juste les grandes lignes. C'est pour ça que je remercierai jamais assez les gens comme Frédéric Sintès ou Grégory Pogorzelski qui font quand même pas mal de traductions des théories rôlistes anglophones, même si après ils les réadaptent un peu à leur sauce. Hein. Donc c'est pas non plus. On perd quelque chose du matériau de base, quoi. Mais bon, ça reste quand même précieux. Alors, j'ai une anecdote qui est intéressante, c'est donc Vivien Féasson, quand il a fait une série d'articles qui s'appelait La grammaire du jeu de rôle, il lui a été reproché de ne pas citer ses sources. Donc il émet des théories sur comment la parole s'échange au sein d'une partie du jeu de rôle. Il lui a dit, tu ne cites pas tes sources. Je pense notamment, on lui reprochait de ne pas citer le Maelstrom de Romaric Briand, et je pense qu'on lui reprochait aussi de ne pas citer Nuages et Dés de Vincent Baker. En fait, Vivien Féasson, il était légitime à pas les citer parce qu'en fait, ces théories n'étaient pas inspirées ni par le Maelstrom, ni par les Nuages et Dés de Vincent Baker. Il était parti d'une autre réflexion. Alors évidemment, il y avait peut-être quand même un tronc commun entre ses réflexions et puis les sources qu'on lui demandait de citer. Mais je pense que si c'est tout à fait acceptable, à mon avis, d'omettre de citer une source si toi-même tu ne l'as pas lue ou si tu ne t'en inspires pas, quoi. Des fois, ça arrive qu'on arrive aux mêmes conclusions qu'un auteur sans l'avoir lu, quoi. Hein. C'est ce qu'on appelle la convergence, hein. Ou parce que c'était dans l'air et tout. Voilà quoi. Peut-être même que Vivien était inspiré quand même par les nuages et les dés. Et puis le Maelstrom. Je pense qu'au moins le Maelstrom, il savait très bien ce que c'était. Mais que quand il a eu les idées pour ses articles, la parenté était tellement éloignée que ça lui a paru antinaturel de les citer comme source, quoi. Qu'on était peut-être déjà dans une troisième ou quatrième génération par rapport à ces articles de première génération, et du coup ça voulait plus dire grand-chose de les citer, quoi. Tout comme c'est comme si dans chaque article que je faisais sur le jeu de rôle, je mettais en biblio une définition du jeu de rôle, quoi. Ou que je mettais en biblio systématiquement une référence à la première édition de Donjons et Dragons. Dire à chaque fois que j'ai un article sur le jeu de rôle, allez lire la première édition de Donjons et Dragons. En plus, il y a aussi des fois, est-ce que ça vaut le coup de citer des sources qui sont très difficilement accessibles? Par exemple, comme l'explique Jérôme Larry, la première édition de Donjons et Dragons, elle est chère et rare. Donc vraiment difficile à se procurer, quoi. Bon, il y a eu des traductions, avec le mouvement OSR, il y a eu des choses assez approchantes hein, de la boîte rouge qui ont été éditées, quoi. Hein, mais bon, c'est pas le texte originel non plus, quoi. Je crois, hein, je peux me tromper, mais je crois qu'on peut trouver sur Lulu on peut trouver une version anglaise de la boîte rouge, mais il me semble que c'est un gros, enfin, c'est quasiment un pirate, quoi. Hein, alors, donc on a cité ses sources, se faire relire, et dans cette notion de théorie qui est vue un petit peu comme quelque chose de. En fait, dans la jeu de rôlogie, dans le mot jeu de rôlogie, on a l'impression que la personne étudie le jeu de rôle. Et elle étudie le jeu de rôle avec un regard naïf ou absent, enfin, en tout cas un regard vierge de jugement. J'ai pas d'idée préconçue sur le jeu de rôle, je veux juste voir comment ça fonctionne. Et dans la théorie rôliste, Alors, je dis pas que c'est compris dans le terme, mais on a le sentiment qu'il y a déjà un jugement sur, petit 1, sur ce qu'est le jeu de rôle, et petit 2, sur comment il fonctionne bien, sur qu'est-ce qu'un bon jeu de rôle. Et c'est ça d'ailleurs qui peut amener certaines frictions quand on parle de théorie. Alors à ça, il y a plein de choses. Je vais renvoyer à un truc qui est intéressant. C'est le théorème de l'incomplétude de Voegele. Alors c'est des maths, hein, mais qui dit que tu définis un ensemble d'axiomes sur lesquels tu vas baser des théories mathématiques. Par exemple, tes axiomes, c'est l'ensemble des entiers, quoi. Tu définis c'est quoi les entiers, tu dis que ça commence par zéro, et que tout chiffre entier a un suivant, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Et qu'il y a une infinité de nombres premiers, etc. Et partant de ces axiomes, tu vas émettre des théorèmes, c'est-à-dire que tu vas calculer, partir des axiomes, tu vas calculer que telle ou telle chose est vraie. Et donc, par exemple, je dis n'importe quoi, puisque tout nombre a un suivant, et que 0 est le premier des entiers, que 0 est le seul nombre sans. Comment? 0 est seul nombre sans précédent. Voilà, ça veut dire que tous les nombres entiers différents de 0 ont un précédent, quoi. Ainsi de suite. Et en fait, le théorème d'incomplétude de Voegele, alors je vous renverrai à une vidéo qui explique ça bien. Il dit que le problème, si tu veux, quand on définit un espace d'axiomes dans lequel on va pouvoir sortir des théorèmes, c'est que il y a une partie comment? En fait, il y a des choses qui sont dans ce monde d'axiomes, il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses. Par exemple, si il y a des choses qui sont démontrables et des choses qui sont indémontrables. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont vraies, tu peux démontrer qu'elles sont vraies, il y a des choses qui sont fausses, tu peux démontrer qu'elles sont fausses. Et il y a des choses qu'on sait vraies. Mais on ne peut pas démontrer qu'elles sont vraies. Il y a des choses qu'on sait fausses et on ne peut pas démontrer qu'elles sont fausses. Et ça, le problème, du coup, c'est que en fait, tout ensemble d'axiomes est discutable. Bon, je vous jette un petit peu comme un os à ronger. Je ne sais pas trop quoi en faire de cette théorie de l'incomplétude de Voegele. Elle est peut-être intéressante dans le cadre des maths, mais après, je pense qu'elle est intéressante dans le cadre des jeux de rôle, en tout cas de la jeu de rôlogie, puisque quelque part, on parle de système, quoi. C'est-à-dire que c'est une façon de dire que tout système mathématique est incomplet dans le sens où il y a des choses qui sont indécidables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas démontrer que si elles sont vraies ou fausses. Et je crois qu'il y a quelque chose à en tirer pour le jeu de rôle, mais je ne sais pas encore quoi. Sur théorie et jeu de rôlogie, en fait, je me suis rendu compte récemment d'une chose, notamment parce qu'on avait des discussions houleuses sur certaines théories où on estimait que l'auteur se fichait un peu de nous. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que de toute façon, puisque quand la personne elle vient vous parler de jeu de rôle, elle part de sa définition du jeu de rôle, et en plus elle parle de sa définition de ce qu'est le bon jeu de rôle, c'est-à-dire le jeu de rôle amusant, intéressant. Ce qu'elle va dire n'est valable que dans ce monde-là. Et donc vous avez tout à fait le droit de penser que ce qu'elle dit c'est des grosses bêtises, du moment que vous vous basez sur un autre monde, quoi. Alors si vous pensez qu'elle dit des grosses bêtises en restant dans son monde, ça veut peut-être dire que la personne a produit une théorie qui était incohérente, quoi. Qu'elle a fait une erreur entre guillemets de calcul, c'est-à-dire qu'elle a dit quelque chose qui était fausse dans son propre système, quoi. Donc là, c'est d'où l'intérêt de la relecture, hein. Faites-vous relire, quoi. Mais je sais que moi, enfin, il y a des théoriciens, notamment en discutant avec eux. Je suis pas d'accord avec eux, mais dans leur monde de ce qu'est le bon jeu de rôle, effectivement, ce qu'ils disent est valable. Notamment, je prends un exemple, quand on lit les articles de Frédéric Sintès, ça se base sur une école que j'appellerais l'école de la combativité. C'est une école qui dit que le bon jeu de rôle, c'est le jeu de rôle où on joue en défendant les objectifs de son personnage et dans des jeux qui nous permettent de le faire avec une certaine chance d'efficacité. Et avec notamment une probabilité que notre personnage accomplisse ses objectifs sans rien perdre. Une probabilité qui n'est pas forcément égale à 1, hein, qui peut être, mais qui est, on est sûr, disons qu'on sait qu'il y a une chance de, il y a une chance d'atteindre des objectifs sans rien perdre. Si du moment qu'on te dit c'est sûr que tu n'atteindras pas tes objectifs, ou du moment qu'on te dit c'est sûr que tu perdras quelque chose en essayant d'atteindre tes objectifs, eh bien, on n'est plus dans la combativité. Et en fait, si on peut faire une relecture rétrospective de pas mal d'articles de Frédéric Saintès, en se rendant compte effectivement que les choses qu'il dit sont là pour célébrer ça. Et notamment, parmi les gens de cette même école, on a l'article The Pitfall of Narrative Techniques de Eero Tuovinen, où il dit quelque chose du genre Advocacy is fun. Advocacy, c'est se faire l'avocat de son personnage. C'est un petit peu ce qui va être pris par Frédéric Saintès sous le terme de combativité. Il dit Advocacy is fun, authorship is work. Être l'avocat de son personnage, c'est du fun. Être auteur de son personnage, c'est du travail. En gros, ce que nous dit Eero Tuovinen, lui, il a l'avantage d'être extrêmement clair. C'est qu'il dit, dans mon monde subjectif, eh bien, défendre son personnage, c'est cool. Être en mode auteur, être en surplomb de son personnage, c'est-à-dire jouer son personnage vraiment en étant conscient que c'est le personnage d'une aventure fictive, et on lui fait faire des trucs pour que ça suive un genre narratif, pour faire plaisir aux autres joueuses, ou pour respecter un script, ainsi de suite. C'est du travail. Et corollaire, le travail, c'est pas du fun. Hein, c'est-à-dire que grosso modo, on joue pour s'amuser et on joue pour sans produire d'efforts, quoi. Donc, en plus, hein, cette notion, on a cette notion qu'on va retrouver, notamment, c'est que le mode auteur te demande d'être créatif, de l'être beaucoup, sans forcément sans t'être préparé, et que ça, c'est épuisant. Donc, on a aussi toute une chose au niveau du déploiement d'énergie, quoi. Il y a un article de Frédéric Saintès qui s'appelle Les 36 travaux d'Hercule du MJ et qui fustige en fait les jeux de rôle où le boulot de MJ demande un engagement énorme en termes de travail et d'énergie, quoi. Et donc tout ça en fait, tout ça, ça grosso modo, il y a une vision de l'effort, il y a une vision de l'engagement dans le personnage, il y a une vision de à quel moment on doit être créatif, à quel moment il faut surtout pas l'être, à quel moment on est travailleur, à quel moment on est consommateur, qui est spécifique à cette école. Et donc, si par exemple vous ne pouvez pas utiliser les articles de Frédéric Saintès, si vous pensez les choses différemment, si vous dites, bah non, bah, je trouve ça cool d'être en mode auteur, je trouve ça cool de faire de l'esthétique pour de l'esthétique, je trouve ça cool de suivre un script, les articles de Frédéric Saintès, ils vous contredisent. Est-ce que ça veut dire que les articles de Frédéric Saintès, ils sont faux? Non. Ça veut dire qu'ils sont vrais dans le cadre de sa subjectivité, dans le cadre de ce que Frédéric Saintès, il estime cool, et dans le cadre de ce que Frédéric Saintès, il estime nul en jeu de rôle, quoi. Et c'est pour ça que finalement, le terme de théorie, il est bien. C'est que ma théorie, c'est que advocacy is fun, authorship is work. Enfin, c'est Eero Tuovinen qui le dit, mais bon, c'est pareil. Et donc, prenez ce que j'ai à dire sur le jeu de rôle en tenant compte de cet axiome-là que j'ai posé. Donc après, il peut y avoir plein de choses, hein. On pourrait dire axiome de Kroc, le jeu sans MJ, c'est nul, quoi. Hein, par exemple, hein, y a tout un tas d'auteurs. Si on prend les quatre intrigues moisies, hein, c'est pas Jérôme, c'est pas une théorie de Jérôme Larrey, hein, mais je cite Jérôme Larrey parce qu'il l'a mis sur son site. C'est par exemple, mais bon, le fait qu'il le les quatre intrigues moisies, c'est quatre intrigues dans des fictions en général qui sont censées être nulles. Par exemple, une énigme qu'on n'arrive pas à résoudre. Et qu'au bout d'une journée, celui qui voulait la résoudre, ben, comment, perd la motivation et arrête. Le fait que Jérôme Larrey de reposte sur son blog de théorie rôliste, il pose un axiome en fait. Il dit les quatre intrigues sont. Cet auteur, il estime que ces quatre intrigues sont moisies dans les fictions en général. Ben, moi, j'en profite en le linkant. Quelque part, je sous-entends que en jeu de rôle, c'est vrai aussi. En jeu de rôle, c'est vrai aussi que les énigmes irrésolues sont chiantes. J'ai fait un bon après, ça c'est une idée, comment c'est une idée qui est répandue, hein, dans narratologie. Moi, j'ai participé à une conférence sur les écritures d'imaginaire. Il y a Lionel Davoust qui rappelle que les gens heureux n'ont pas d'histoire et qu'il n'y a pas, y a pas d'histoire intéressante sans combat. Alors combat, je dis pas forcément combat à main armée, hein, mais combat sans lutte en fait, sans justement personnage qui lutte pour défendre certains objectifs. Ce à quoi je réponds, axiome, axiome, axiome, axiome. Dans Varier les aventures, un peu, c'est ce que j'ai fait, j'essaye d'expliquer enfin, qu'on peut peut-être envisager du jeu de rôle qui fonctionne sans lutte. Frédéric Sintès lui-même le reconnaît, je crois qu'il fait un article sur les petites choses oubliées, et il dit, ah bah dans les petites choses oubliées, il n'y a pas de lutte. Et puis je me rends compte que ça échappe complètement à mon domaine de théorie, et je trouve ça cool. C'est-à-dire que lui-même reconnaît qu'il trouve ça cool que d'autres personnes pensent le jeu de rôle différemment de lui. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un auteur il a entre guillemets des prérequis spécifiques sur ce qu'il aime et ce qu'il aime pas en jeu de rôle, qu'il n'est pas capable de reconnaître la légitimité des autres pratiques et qu'il est tout à fait capable d'apprécier justement qu'il y ait d'autres auteurs qui pensent, qui aiment le jeu de rôle différemment et qui le pensent différemment. Alors, il y avait un sujet de forum de Macbeth sur Casus Snow qui était sur la critique de jeu de rôle, mais qui est tout à fait extrapolable à la théorie, parce qu'en fait, il y avait c'était en réaction à une critique que Steve Jakubowicz avait postée sur Dragon Age. Dragon Age, c'est un jeu de rôle qu'on pourrait qualifier de traditionnel. C'est-à-dire gros background, 300 pages, beaucoup de règles sur le combat, et ainsi de suite. Et donc Steve en fait une critique, on va dire, bah, pas forcément ultra enthousiaste, quoi. S'il y avait une note, il n'aurait pas mis 20 sur 20 au jeu, quoi. Mais il rappelle au début de l'article que lui, on va dire qu'il aime plutôt les jeux à système léger qui laissent une part belle à la narration. Enfin, il ne le dit pas comme ça, hein. Je crois qu'il dit qu'il est narrativiste. Donc en fait, quelque part au début de l'article, il dit, bon, j'ai lu ce jeu parce que j'aimais bien le jeu vidéo Dragon Age, mais je suis déjà d'emblée, je savais que j'étais pas fan de la forme de jeu de rôle que j'allais lire, quoi. Et effectivement, s'il relève certains points qu'il estime intéressants et novateurs dans le jeu, il y a beaucoup d'autres points qu'il fustige, en fait, enfin en tout cas qui sont détournés de son intérêt. Et donc certains ont dit, il y avait des débats pour savoir, certains disent, bah écoute, si t'aimes pas ce genre de jeu, ne le critique pas, ne le critique pas, parce que tu nous apportes rien. Nous, on veut que les jeux soient critiqués par des gens qui les aiment, ou en tout cas qui aiment la forme du jeu de rôle. Alors c'est Jérôme Larrey qui faisait un débat sur, il faudrait qu'on désigne des formes de jeu de rôle, quoi. Alors c'est quoi une forme de jeu de rôle? On n'a aucune nomenclature, quoi. Par exemple, on dit jeu de rôle traditionnel, jeu de rôle forgéen. Il y a la notion de comment c'est merde, je crois que c'est Pirodi qui donne son propre clivage. Il dit les jeux cohérents contre les jeux incohérents centrés sur le MJ traditionnel. Bon, on peut trouver d'autres clivages, quoi, mais Jérôme Larrey, lui, il appelle de ses voeux en fait une division des jeux de rôle en forme qui soit beaucoup plus variée, quoi. Il y a dans le GROG, on peut trouver une division des jeux de rôle par genre narratif. Il y a les jeux SF, les jeux médiévaux fantastiques. Enfin, du coup, c'est même pas par genre narratif, dans le gros, que c'est plutôt par univers, quoi. Les jeux oniriques, les jeux contemporains, ainsi de suite. Ouais, c'est pas du genre narratif, c'est de l'univers. Mais lui, il voudrait quelque chose qui soit de l'ordre de la forme. Alors, c'est ce qu'avait tenté de définir d'ailleurs le modèle GNS. Encore que, hein, c'est-à-dire qu'il a une partie des tenants de la GNS utilisait la GNS pour designer des formes de jeux de rôle. Il y aurait eu les jeux ludistes, les jeux narrativistes et les jeux. Merde, l'autre, les jeux simulationnistes. Bon, tout ça a échoué, hein, parce qu'on n'a pas réussi, en fait. On a échoué à trouver une façon de cataloguer les jeux de rôle qui fassent consensus. Mais bon, quelque part, moi, ça me paraît logique. C'est un échec qui était obligatoire. Je veux dire, du moment, toute nomenclature est vouée à l'échec. Et ça, c'est quasiment la tragédie du langage, hein. Je veux dire, je crois pas qu'en musique, là, pour prendre un domaine artistique beaucoup plus vieux que le jeu de rôle, je crois pas qu'en musique, on ait réussi, malgré le talent qu'on a à inventer des non-genres musicaux. Je pense pas qu'on a réussi à trouver une façon de classer la musique qui satisfasse tout le monde, quoi. Enfin non, c'est impossible, quoi. Et puis des fois, les étiquettes, ça permet juste de vendre une forme d'originalité. Mais si je te dis ethno-trance free jazz, est-ce que je te dis beaucoup de choses sur qu'est-ce que tu dois t'attendre à trouver dans un album de musique, quoi? Donc il y avait des tenants, du coup, c'était bon. Pour faire simple, on va dire dans le cas de Dragon Age, je pense qu'il y avait des gens qui disaient, moi je veux que une critique de Dragon Age faite par des gens qui lisent des jeux comme Dragon Age, c'est-à-dire des jeux avec un gros background, avec un gros univers, des jeux qui font 300 pages, des jeux avec centrés sur le combat, avec un système de combat qui fait beaucoup écho à Donjons et Dragons, quoi. Bon, voilà, pour vous donner un exemple basique, quoi. Alors bon, bref, Macbeth, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, bon, de toute façon, alors il y en avait qui, qu'il y en a entre guillemets qui demandent, bah nous on veut des trucs qui soient vraiment des critiques qui soient vraiment objectives. Et grosso modo, c'est la fiche du grog. Hein, c'est-à-dire que la fiche du grog, guide du rôliste galactique, elle est censée décrire un jeu de rôle du style ce jeu de rôle fait 300 pages, y a, comment, ce jeu de rôle fait 300 pages, il y a 30 pages sur le système de combat, 40 pages sur l'univers, la feuille de personnage, il y a la caractéristique charisme, force et bagou. Et ainsi de suite, le système se joue avec 3D à 6 faces, quelque chose qui est vraiment descriptif, clinique, on va dire, quoi. Quelque part, on avait aussi cette approche dans les critiques de Rollist TV, où pour le coup, d'ailleurs, on se concentre surtout sur l'objet. C'est-à-dire, ah bah regardez, c'est une couverture souple, une couverture rigide, c'est un papier glace, papier broché, c'est en noir et blanc ou en couleur à l'intérieur, il y a 300 pages, le livre pèse à telle lourdeur, visiblement l'usure du bouquin va être rapide, et puis après on passe rapidement à l'univers, quoi. C'est un univers avec des dragons et des Teletubbies. Et ce que dit Macbeth, en fait, c'est que la critique objective petit 1, elle est impossible, parce qu'en fait, que ce soit la fiche du grog ou la critique de Rollist TV, c'est une vision de l'objectivité, quoi. C'est-à-dire que, entre guillemets, on s'est dit, on va parler que de certains critères, quoi. Il faut savoir que les matelots du grog, d'ailleurs, ont beaucoup de difficultés. Enfin, il y a un gros travail, en fait, de relecture des fiches qui est faite pour justement se rapprocher de cette objectivité, hein. Mais on peut encore retrouver des scories dans certaines fiches où, en fait, en lisant la fiche, on peut avoir une idée de l'opinion que l'auteur de la fiche se fait du jeu. Donc Macbeth, en fait, grosso modo, essaye de et dit que toute critique est subjective. Elle est forcément basée sur l'opinion que se fait le critique. Et que l'idée, c'est que la solution à ça, ça n'est pas. Comment? Ça n'est pas de. Parce que. Alors, il fait un comparatif avec l'histoire en disant l'histoire n'est pas objective parce que même quelque chose qui se veut ultra descriptif, en fait, en réalité, déjà, la personne, en sélectionnant ses sources, selon les sources qu'elle a prises, eh bien, elle fait preuve de subjectivité, quoi. En ignorant certaines sources, eh bien, elle va déjà transformer l'histoire. Il dit, il faut faire un usage raisonné de sa subjectivité. Donc déjà, notamment, je pense que de sa part, c'est une façon de célébrer la démarche qu'a eu Steve de dire en introduction de sa critique d'où il venait en fait, de quel monde ludique il venait avant de faire la critique. Et je pense que l'autre intérêt de l'utilisation raisonnée de sa subjectivité, c'est d'être conscient de sa propre subjectivité, de ses propres biais, de ses propres centres d'intérêt, de ses propres préférences. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait en déduire aussi d'usage raisonné de la subjectivité? Eh bien, c'est que. À chaque fois qu'on énonce quelque chose, il faut qu'on se pose la question, est-ce que j'énonce une description ou est-ce que j'énonce une opinion? Et si j'énonce une opinion, est-ce que c'est intéressant? Comment? Est-ce que c'est intéressant que j'ai. Est-ce que mon opinion a un intérêt ou est-ce qu'elle va pas biaiser la lecture de l'article? Et si j'estime que mon opinion a un intérêt, parce que le truc c'est que ce qu'il y a dans la théorie rôliste, c'est qu'elle est rarement uniquement descriptive, elle est aussi prescriptive. C'est-à-dire qu'en fait, et moi en plus c'est comme ça que j'ai commencé à lire la théorie rôliste. Au début, quand je lisais la théorie rôliste, en fait, avant même que savoir que ça s'appelait comme ça, ce que je voulais lire, ce que je cherchais, c'est des conseils de maîtrise, c'est-à-dire des conseils pour apprendre à mieux jouer, ou à jouer différemment, enfin, comme vous voulez, quoi. Ensuite, après, j'ai lu ça comme des conseils pour écrire des jeux, voire écrire de meilleurs jeux. Et il s'avère qu'effectivement, il y a beaucoup d'articles de théorie qui font un usage entre guillemets raisonné de leur subjectivité et qui sont là, qui sont pas là uniquement pour décrire le jeu de rôle, mais pour vous dire comment faire de bons jeux de rôle d'après la subjectivité de l'auteur. Donc, j'ai envie de dire ce qui est intéressant, donc ce qu'on a besoin de savoir quand on lit un article de théorie, c'est quels sont les goûts de l'auteur. Est-ce que l'auteur essaie de faire une description ou est-ce qu'il émet une opinion? Est-ce que l'auteur nous conseille quelque chose? Par rapport à l'usage raisonné de la subjectivité, moi, quelque chose que j'aime bien. Déjà deux choses. Ça, c'est pour le coup, c'est un axiome que moi je pose dans mon monde rôliste à moi. Le premier étant de dire avoir une définition du jeu de rôle la plus vaste possible. Alors, j'en ai pas une comment? Alors, quand Coralie David, d'ailleurs, commence les entretiens avec les différents auteurs de jeux de rôle, quand elle commence par leur demander, je crois que la première question qu'elle leur pose, c'est de leur donner une définition du jeu de rôle. Ouais, c'est une des. C'est vraiment pas innocent comme question. C'est parce qu'en fait, ça lui permet de savoir d'où est-ce que ces personnes parlent, quoi. Ma démarche personnelle, c'est avoir la définition de jeu de rôle la plus vaste possible. C'est un peu ce que fait Grégory Pogorzelski aussi. Donc, en gros, grosso modo, c'est on a une conversation sur une aventure imaginaire. Et encore que dans le terme de conversation, il y a un problème, parce que conversation, ça indique qu'on soit au moins deux personnes. En plus, ça laisse également penser qu'on emploie l'oral. Donc ça va exclure le jeu de rôle fait en langage des signes, ça va exclure le jeu de rôle textuel, ça va exclure le jeu de rôle solo. Donc pour le coup, j'ai envie de dire que ma définition du jeu de rôle est plus vaste que ça, quoi. Elle sort encore du cadre de la conversation. C'est j'ai envie de dire, c'est une partie du jeu de rôle, c'est l'élaboration d'une aventure imaginaire. Voilà, comme ça, là, on est très, très, très, très vaste. Il y a plein de théoriciens qui ont une définition du jeu de rôle beaucoup plus restreinte que la mienne. Et de même qu'il y en a d'autres qui ont sans doute une plus vaste. Hein. L'idée, c'est de savoir combien de portes tu veux ouvertes et tu veux ouvrir et combien de portes tu veux fermer. Voilà, donc il y avait ça, cette idée de poser ta définition. Et au niveau des goûts, moi j'ai évidemment mes préférences, hein, c'est certain. Peut-être que des fois par langue de bois je les énoncerai pas clairement. Mais bon, par exemple, si on veut situer mes préférences personnelles en tant que joueur, par exemple, en ce moment ce serait quand même beaucoup le jeu esthétique. Que je préférerais par rapport au jeu moral, au jeu social ou au jeu tactique. Mais petit 1 dans l'absolu, ça varie au cours du temps. Petit 2, j'ai fait à peu près, enfin là, en 25 ans de jeu de rôle, et encore, je parle même pas du on fait comme si. Hein. Bah, j'ai fait pas mal de choses et j'ai pris du plaisir dans pas mal de façons de faire du jeu de rôle, y compris dans le tactique, le moral, le social. Hein. Je continue à prendre du plaisir dans ces formes-là. Je crois même que j'ai une capacité en fait. J'ai une capacité. Je suis très plastique en fait dans mon plaisir rôliste. C'est qu'en fait, j'ai presque envie de dire, du moment qu'on fait du jeu de rôle et que. Il y a un peu de rythme, c'est-à-dire que à la rigueur, ce qui m'ennuie, c'est les temps de latence, les moments où c'est surtout que comment. Je m'ennuie si ça fait trop longtemps que j'ai pas eu la parole. Alors trop longtemps, je peux pas vous donner un chiffre exact, hein, je peux pas vous dire je m'ennuie si ça fait 5 minutes que j'ai pas parlé, j'en sais rien quoi, c'est un petit peu. Et j'ai presque envie de dire aussi, je m'ennuie s'il y a trop de proportions de méta-jeu en fait. Si en 1 heure d'aventure, on a passé 3 quarts d'heure à parler de règles et 1 quart d'heure à parler d'aventure, je m'ennuie, quoi. Mais hormis ces choses-là que j'ai à peu près définies dans ma tête, je m'amuse à peu près dans n'importe quelle situation, quoi. Si peut-être je vais dire, je m'ennuie si la partie dure plus de, allez, bah, ça va dépendre de mon énergie, quoi. Mais si une partie dure plus de 5 heures, ça va commencer vraiment à m'ennuyer, quoi. Je vais avoir besoin de passer à autre chose, quoi. Mais là encore, j'ai fait des tables ouvertes où une petite pause, un KitKat et ça repart. Hein, donc, puis j'ai presque envie de dire, des fois, j'ai envie de dire, je m'ennuie si je suis ni MJ ni facilitateur, quoi. Si je suis que joueur, il va falloir que je sois extrêmement stimulé pour pas m'ennuyer, quoi. D'où d'ailleurs peut-être ma tendance à concevoir des jeux sans MJ qui soient très sollicitants pour chaque joueur, quoi. Pour que moi-même, je m'y amuse, même quand je suis ni facilitateur ni MJ. Mais bon, je sais que j'ai testé Influenza où j'étais ni facilitateur ni MJ. Enfin, il n'y avait pas de MJ, c'était sans MJ. Mais j'étais pas facilitateur et on m'avait vraiment demandé de pas le faire, quoi. Donc je veux vraiment juste jouer mon personnage et je me suis ennuyé. Je me suis ennuyé parce que j'avais aucune main mise sur le rythme. Je pouvais pas impulser un rythme via des techniques de facilitation, quoi. Par exemple, quand un joueur hésitait sur ce qu'il avait à dire, j'avais pas le droit de lui donner de conseils. Et du coup, bah, je devais, entre guillemets, subir le temps qu'il mettait à se décider. Bon, voilà, je vous ai posé quand même quelques goûts que j'ai. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, premièrement, c'est pas parce que moi j'ai ces goûts-là que tout le monde devrait les avoir. Chacun, en fait. La subjectivité de chacun est sacrée. Chacun a le droit, c'est les goûts et les couleurs. Chacun a le droit d'aimer le jeu de rôle comme il l'aime, quoi. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire du jeu de rôle, il n'y a que des façons différentes, il y a des façons qui satisfont des personnes différentes, quoi, à des moments différents, quoi. Toutes les pratiques de jeu de rôle se valent. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut lire dans toutes les théories, hein. Moi, ça m'arrive de lire des articles où on voit clairement la subjectivité de l'auteur et où il y a une dénonciation de formes de jeu de rôle qui dévissent de ce qu'il aime, quoi. Je prends un exemple, principe de Shégué. Principe de Shégué dit que quand on... c'est toujours cette même école, hein, ah merde. Authorship is work, advocacy is fun. Le principe de Shégué dit qu'on s'ennuie si on se joue soi-même et sa propre adversité. Bim! Jugement de valeur, on s'ennuie. Je suis désolé. Moi, quand je joue moi-même ma propre université, eh ben, je m'amuse. C'est comme ça. Le principe de Shégué, il n'est valable que dans un certain monde. Dans mon monde, le principe de Shégué n'est pas valable. Il n'a aucun intérêt. Ça ne veut pas dire que ça me. Pour autant, quand j'écris des jeux de rôle, le principe du Shégué m'est utile. Parce qu'en fait, j'estime qu'à chaque fois, à chaque jeu de rôle différent que j'écris, je repars sur un monde rôliste différent. C'est-à-dire que j'ai quand même une réflexion de public. C'est-à-dire à quel public je m'adresse dans ce jeu de rôle. À quelle espèce de joueur idéal je m'adresse. Et en fonction du joueur idéal à qui je m'adresse, je me dis. Quels sont les goûts de ce joueur idéal, à quel monde rôliste il appartient, et du coup quel type de jeu je dois proposer pour que lui s'amuse. Donc il y a des jeux de rôle, je prends bien garde à respecter le principe de Shégué, c'est-à-dire à empêcher les joueuses d'avoir à incarner à la fois leur personnage et l'adversité qui s'oppose à leur personnage. Encore que des fois j'ai lu des réactions à mes jeux qui laissaient sous-entendre que j'échouais systématiquement à respecter le principe de Shégué, donc peut-être qu'on se refait pas. Bon, il m'appartient pas d'en juger. Je prétends au moins avoir essayé dans certains jeux, un jeu tel que Inforenza Minima, par exemple, je pense avoir essayé de le faire. Je peux entendre que dans un monde rôliste très arqué sur la combativité, on m'a dit que la combativité était absente d'Inforenza Minima, alors que je pensais vraiment l'avoir designé pour défendre la combativité. Une fois qu'on me l'a expliqué, j'ai compris en quoi. Et on m'a dit qu'il y avait du mode auteur à Inforenza Minima, alors que je pensais que l'adversité était vraiment entre les mains du MJ. Mais en fait, dans Inforenza Minima, quand tu veux réussir quelque chose, tu dois en payer le prix. Et le fait d'accepter de payer le prix et de jouer ça, ça peut être vu par certains comme jouer en mode auteur. Parce qu'en fait, en quelque sorte, mon personnage veut faire ça, il peut le faire à condition de suivre tel script. Donc du coup, vu sous cet angle, c'est du mode auteur. Donc il y avait un patch qui était proposé par Valentin, par exemple, dans le fast-food du jeu moral, où il dit, en fait, on te donne plutôt, si tu veux faire ça, on te donne deux solutions moisies, et tu choisis entre tes deux solutions, comme ça, tu choisis entre deux scripts, c'est moins du mode auteur. Bon, admettons. Voilà, j'ai fait tout un speech sur la... Alors, le problème qu'on a aussi en théorie, c'est le fait de... J'ai dit qu'en fait les théories se basaient sur un système d'axiomes, je devrais plutôt dire qu'elles se basent sur un système de valeurs. Sur qu'est-ce qui fait un bon jeu de rôle. Ou qu'est-ce qui fait un jeu de rôle. Mais déjà dire ce qui fait un jeu de rôle, vous avez vu qu'il y a quand même un système de valeurs, quoi. Hein, parce que quand on dit ce qui fait un jeu de rôle, par exemple, c'est je dis n'importe quoi, c'est le fait qu'il y a un écran de jeu. On pose une valeur, c'est-à-dire qu'on dit en fait, s'il n'y a pas une asymétrie d'information, un MJ qui a une personne qui a des notes et des personnes qui n'ont pas accès à ces notes, eh bien, on émet un jugement de valeur sur ce qu'est le bon jeu de rôle, quoi. On dit sans asymétrie d'information, point de salut. Le problème du système de valeur et des théories qui en découlent, c'est qu'elles sont rarement décrites en totalité. Par exemple, là, je vous ai expliqué à plusieurs reprises que ce qui fait que notamment pour que quand on lit l'article Combativité Absorption de Frédéric Saintès, on lit surtout on nous explique c'est quoi la combativité, c'est-à-dire que c'est une posture, c'est la posture d'une joueuse qui défend les objectifs de son personnage. Et on nous donne quelques trucs pour faire des systèmes de jeux de rôle qui permettent de jouer en sauvant. Où la joueuse va pouvoir jouer en restant, en pouvant défendre son, les objectifs de son personnage. Par exemple, le fait de dire que si je peux atteindre mes objectifs entre guillemets en misant, en mettant en péril mon efficacité, je veux dire du moment que je suis prêt à miser des points de vie, des choses comme ça maintient mon comment je peux rester combative. Mais en fait, il y a plein de moments, il y a plein de choses dans l'article de la combativité qui sont absentes en fait. Il y a plein d'autres, par exemple, la notion, je vous ai expliqué que pour jouer en combativité, il fallait qu'on ait une probabilité, il y a une notion d'incertitude. Il fallait que la victoire soit incertaine, mais que la victoire parfaite, c'est-à-dire la victoire où on gagne sans rien perdre, soit possible. Et donc on m'a expliqué que dans Inferenza Minima, la victoire parfaite, elle est impossible, ça c'est vrai, parce que si tu veux atteindre tes objectifs, tu sais que mécaniquement, il faudra que tu sacrifies des choses. Pas forcément sur ton objectif, mais sur d'autres morceaux du personnage, quoi. Et bien du coup, ça, ce serait contraire à la combativité. Sauf que dans l'article combativité, cette notion qu'il faut qu'il y ait une incertitude et qu'il y ait une possibilité de victoire parfaite, une probabilité de victoire parfaite, ça n'est pas écrit. Autre chose que j'ai apprise aussi par rapport à la combativité, c'est qu'on m'a expliqué que avoir un problème à gérer en sandbox, c'était du mot d'auteur. On n'y avait pas d'exercice de la combativité parce qu'en fait, on résolvait le problème en même temps qu'on résolvait le problème tout seul. Par exemple, si je te dis, bah tiens, ton personnage doit construire une maison, dis-moi comment tu t'y prends. Et le joueur dit bah, je vais aller chercher du bois, je vais engager des ouvriers, je vais dessiner des plans, et ainsi de suite. Et en fait, là, la personne, elle est en train de résoudre le problème elle-même. Même si après, tu vas lui demander des jets de dés, il y aura peut-être des péripéties à jouer pour arriver à mettre en branle le plan qu'a fait la personne. Mais quelque part, quasiment, on va dire, le fait de faire un plan. De planifier, c'est déjà du mot d'auteur. Et du coup, entre guillemets, le fait de pouvoir planifier, on sortirait de la combativité. Ben ça, c'est pas écrit dans l'article combativité. Alors c'est pas une critique, hein. C'est pas une critique dans le sens où en fait, le problème de la combativité, c'est que c'est un concept tellement vaste et tellement subjectif qu'il faudrait que l'article il fasse 15 000 pages. Voilà, donc les systèmes de valeurs, j'ai presque envie de dire un système de valeurs en jeu de rôle, il est infini. Ouais, c'est ça, les systèmes de valeurs sont infinis. Et qui dit système de valeurs infini, dit système de valeurs impossible à décrire en totalité. Donc ça veut dire que n'espérez pas, s'il vous plaît, n'espérez pas que les auteurs sont infaillibles dans ce qu'ils vont vous décrire. Parce que comme leur système de valeurs est infini, tout simplement parce qu'on s'adresse, on est dans de l'abstraction pure, et on est dans la création, dans une pensée de ce qu'est de construire des aventures imaginaires, quoi. Donc une pensée appliquée à l'abstraction, à l'imaginaire, c'est forcément infini. Le système de valeurs est infini, et on va dire l'ensemble des théorèmes qui peuvent être bâtis à partir des axiomes, par exemple l'ensemble des théorèmes que tu peux bâtir à partir de Advocacy is fun, authorship is work. Il est infini. Mais si je prends l'inverse du genre advocacy is work, authorship is fun, c'est pareil, j'aurai aussi un système de valeurs qui sera infini, hein, un ensemble de théorèmes qui sera infini. Ça, c'est un truc important que j'avais à dire. Je reviens sur l'usage raisonné de la subjectivité. Quand on part d'un système de valeurs qui se veut, on va dire, le plus neutre possible, quoi. Par exemple, avec ce que je dis, définition large du jeu de rôle, et puis acceptation d'un maximum de pratiques comme étant légitime. Je trouve il en découle une approche de la théorie que j'appelle l'esprit d'inventaire. C'est-à-dire que je m'efforce, je dis bien je m'efforce, quand j'ai besoin de décrire un phénomène, bon, c'est le cas des podcasts précédents que j'ai livrés, du genre par exemple ce qu'on ressent quand on lance les dés, je m'efforce en fait de faire un inventaire de ce que je sais exister dans la nature, quoi. Par exemple, dans le podcast sur l'adversité, j'ai essayé de faire une liste de différents types d'adversaires qu'il y avait. Sans dire, bah, dans un jeu de rôle, il faut tel type d'adversaire. Tel type d'adversaire, c'est sympa. Tel type d'adversaire, c'est nul, quoi. Je donne pas d'avis. Je donne juste une liste. Voilà, l'idée, c'est de donner des listes. Sans dire ce qui est bien ou ce qui est mal. En laissant, en fait, la lectrice juger elle-même. Moi, c'est ce que j'ai, c'est vertueux, mais c'est vertueux dans mon système de valeurs, dans mon système de valeurs où toutes les pratiques se valent. Une personne qui est dans le système de valeurs, par exemple, authorship is work, advocacy is fun, si elle lit mes articles, peut-être qu'elle va pas du tout y trouver son bonheur parce qu'elle dira, ah, ben, y a des listes, mais je sais pas ce qui est bien et ce qui est nul. Et du coup, je sais pas comment. Je sais pas comment, bah, sur quel pied danser, comment je peux utiliser ça, quoi. Alors, un article que j'aime bien, qui respecte pas mal l'esprit d'inventaire, c'est l'article de Coral David sur le roleplay. Également la communication d'Anne Richard Davoust sur la notion d'auteur en jeu de rôle, où justement, j'ai le sentiment que ces deux personnes ne cherche pas l'une à dire ce qu'est le bon roleplay, le mauvais roleplay, l'autre à dire ce qui mérite d'être appelé auteur et ce qui ne le mérite pas. Elles font une liste. La première fait, et notamment, c'est une liste qui n'est pas vraiment appliquée sur, qui a pas vraiment appuyée sur leur observation du jeu de rôle, mais sur leur observation de ce que de comment d'autres ont pensé le jeu de rôle. Parce que Coralie David va citer la façon dont le roleplay est défini dans différents jeux. Anne Richard Davoust va se baser sur la façon dont les auteurs sont crédités dans les jeux. Donc grosso modo, c'est une liste, mais quelque part c'est une liste d'avis. Donc de même, quelque part, le fait de citer ses sources, c'est une sorte de liste d'avis. Tel auteur pense que A. Tel autre auteur pense que B, et ainsi de suite, quoi. C'est un peu ce qu'on faisait dans les dissertations en philo, hein. Donc voilà, l'esprit d'inventaire, c'est quelque chose que j'aime bien, j'essaie de faire, quoi. Et évidemment, donc l'intérêt de la démarche, c'est sa neutralité. Le problème de la démarche, c'est sa neutralité. Bon, déjà, aucune liste n'est neutre, hein, puisqu'il y a forcément des omissions dans une liste. Ou alors l'accent qui est mis sur certaines entrées, ne serait-ce que l'ordre dans lequel vous listez les choses, a son importance, hein. Donc, de toute façon, la subjectivité, on n'y échappe jamais. Une liste, elle est incomplète parce que justement, le théoricien ou la théoricienne peut omettre des choses parce qu'elle estime qu'elles sont hors de son système de valeurs. Ou tout simplement parce qu'elle les ignore. Hein. J'avais déjà fait un laïus sur le nombre de jeux que j'avais joué. Je crois que j'avais dit que j'avais joué à une vingtaine de jeux de rôle. J'ai été un peu modeste. Je pense que c'est plutôt une cinquantaine. J'ai dû plutôt jouer une cinquantaine de jeux de rôle. Peut-être même une centaine si je compte tous les petits jeux. Si je compte toutes les fois où j'étais que joueur, quoi. Mais même une centaine de jeux de rôle. Même si je monte à 150 en rajoutant les jeux que j'ai lus sans avoir joué. Même si je monte à 300 ou à 1000 en ajoutant tous les jeux dont j'ai juste entendu parler. Bon voilà, même si j'arrive à 1000 jeux de rôle dans mon corpus de connaissances du jeu de rôle, c'est une goutte d'eau dans la mer de l'océan des publications rôlistiques actuelles, quoi. Je sais pas où on est à combien, est-ce qu'on est à 100 000 jeux de rôle, 1 million de jeux de rôle? Surtout si on. Enfin, entre guillemets. Si on prend vraiment la production mondiale dans toutes les langues, je veux dire, je connais rien des jeux de rôle qui seraient écrits à Singapour. Je n'y connais absolument rien, quoi. Donc voilà, hein, c'est notre système de valeurs, il découle aussi tout simplement de ce qu'on connaît de ce qu'on connaît du média, quoi. Alors, moi j'ai trouvé quand même très dé... En fait, ça m'a énormément soulagé quand j'ai constaté que les théories rôlistes étaient les fruits de la subjectivité des théoriciennes ou des théoriciens. Du coup, j'ai arrêté de penser que quand j'étais en désaccord avec certaines théoriciens, certaines théories, j'ai arrêté de penser que c'était parce que j'étais bête. C'est juste que ma subjectivité, elle était différente, quoi. Ça me permet aussi de critiquer des théories sans critiquer les personnes, ou entre guillemets, ou sans dire que la personne se trompe. Quand ça m'arrive assez régulièrement, je critique une théorie. Je vais critiquer le système de valeurs dans lequel elle a été faite. C'est-à-dire, généralement, je dis oui, cette théorie dans son système, à l'intérieur de son système de valeurs, ok, elle est très valable, mais dès qu'on sort du système de valeurs, eh bien, elle est nulle et non avenue, quoi. Voilà, dernière chose sur les systèmes de valeurs. Voilà. Ah oui, autre chose, le fait qui peut être souvent reproché, c'est donc les auteurs qui vont citer abondamment leurs jeux ou les jeux des copains pour théoriser. Alors en réalité, c'est très utile. C'est très utile de le faire parce qu'en fait, vous indiquez votre système de valeurs aux autres. De l'autre, il y a une quelque part, il y a une vraie modestie à théoriser à partir de ses propres jeux, puisque du coup, c'est l'air de dire, généralement, ses propres jeux, c'est ceux qu'on connaît le mieux. Moi, si je prends mon exemple personnel, Influenza, c'est un jeu, j'ai joué une centaine de parties. Eh bien, je crois qu'il a détrôné, il a largement détrôné même les jeux que j'ai, parmi les jeux que j'ai plus. Enfin, c'est Influenza, c'est le jeu de rôle, tout jeu de rôle confondu, auquel j'ai le plus joué, quoi. Il n'y a aucun autre jeu de rôle dont j'ai fait 100 parties, quoi. Donc, quand je théorise à partir de Influenza, je suis finalement là, comment je suis sur le domaine d'observation, je suis le plus calé, quoi. Donc, je pourrais vous parler du jeu de rôle Warhammer, mais Warhammer, j'ai fait juste une création de personnage. Voilà, c'est toute l'expérience du jeu de rôle Warhammer que j'ai, quoi. Puis écouter un peu des témoignages d'autres personnes, quoi. Donc, il y a un moment, je veux dire, si je cite Warhammer, je suis complètement fumé, hein, à citer Warhammer, quoi. Alors, c'est vrai que des fois, je le fais aussi dans un esprit d'inventaire, aussi dans un esprit moi, que j'aime bien, de réconcilier jeu de rôle tradit et jeu de rôle pas tradit. Enfin, justement, puisque j'ai une définition du jeu de rôle large, ma réflexion de jeu de rôle, j'essaye de aussi bien englober Fiasco, qui n'est pas fiché sur le Grog, au titre que, d'après le Grog, c'est pas du jeu de rôle. Enfin, bon, quand on lit la définition du jeu de rôle sur le Grog, Fiasco pourrait très bien rentrer dedans, sauf qu'ils ont décidé de pas le ficher. Donc, c'est ça le problème aussi, c'est qu'en en fait, le Grog, ils vont peut-être pas le dire, mais ils font œuvre de théorie. En cataloguant les jeux de rôle, en les décrivant, en faisant de la critique, c'est-à-dire une critique de jeu de rôle, c'est une théorie, parce que le critique de jeu de rôle nous dit quelque chose sur sa façon de penser le jeu, et notamment sur sa façon de penser ce qu'est un bon jeu, sur sa subjectivité. Le problème, c'est que la théorie rôliste du Grog, eh ben, je suis désolé, hein, franchement, je m'en excuse, mais bon, je le pense quand même, c'est qu'elle est incohérente. C'est-à-dire qu'il y a une définition du jeu de rôle qui est donnée sur le Grog, et il y a des jeux qui sont très bien connus de l'équipe du Grog qui refusent de ficher, et Fiasco, c'est vraiment le bon exemple. Voilà. Ils refusent de ficher Fiasco. Alors que quand on lit la définition du Grog, la définition qu'il donne du jeu de rôle dans le Grog, et en plus, c'est pas une ils ne donnent pas une définition du jeu de rôle en général, ils disent une définition du jeu de rôle qu'ils acceptent de ficher. Et ben ça rentre dedans. Bon, moi je sais d'où ça vient. Honnêtement, je sais d'où ça vient. Ça vient du fait que la personne qui a écrit cet article et les personnes qui entre guillemets disent oui ou non aux fiches de jeu un petit peu borderline, ce sont pas les mêmes personnes. C'est un collectif. C'est pas les mêmes personnes. Ou alors, si c'est les mêmes personnes, c'est les personnes qui ont changé d'avis depuis. Et donc en fait la définition que le jeu de rôle du jeu de rôle donné par le GROG, elle est obsolète. C'est-à-dire qu'en fait, pour le coup, une définition du jeu de rôle, en fait, quand vous référez à un théoricien sa définition du jeu de rôle, c'est pas la définition qu'il donne, s'il en donne une. Pour comprendre la définition qu'un théoricien il a du jeu de rôle, il faut lire la totalité de ce qu'il a fait. Et donc si on lit la totalité du grog en creux, on lit que Fiasco c'est pas du jeu de rôle. Pourquoi c'est pas du jeu de rôle? Parce qu'il n'y a pas de MJ. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de combativité puisqu'on joue essentiellement des losers, quoi. Alors où j'en suis? Et le système de valeurs, c'est vraiment très bon pour étudier les contradictions. Parce que par exemple, dans les jeux, comment? Dans le système de valeurs Advocacy Sphum au Torchship Is Work, qui est quand même associé à la forge pas mal, on a beaucoup de défense du jeu AMJ tournant, sans MJ, où on veut limiter les responsabilités du MJ et augmenter les responsabilités des joueuses. Pour en théorie défendre la combativité. Et en même temps, on a très souvent une condamnation de jeu qui donne trop de responsabilités aux joueuses, au titre que ça les force à faire du mode auteur. Et donc, on a une sorte de contradiction dans le sens où finalement, on a l'impression que ce système de valeurs y condamne le jeu de rôle traditionnel et en même temps, à relire tout un tas de choses, notamment l'article sur la combativité. On a le sentiment que les jeux qui permettent le plus ce système de valeurs, ce sont les jeux traditionnels Carac Compétences. Enfin, c'est mon opinion, hein. Carac Compétences MJ. On a une condamnation du scénario et en même temps, une célébration du canevas, qui, enfin, célébration de certaines formes de scénario, tout ça. Enfin, c'est très intéressant, une fois que tu recoupes le système de valeurs, de réussir à pointer certaines incohérences et de travailler dessus, quoi. Alors, ça peut donner... Ah, attendez, je vais faire une petite pause. Alors, pour poursuivre en fait avec cette idée, c'était une dernière question, c'était qui est légitime pour penser, théoriser le jeu de rôle? Ça vient d'un, je crois, d'un sujet qui avait été posté par Steve Jakubowicz sur Google+. Donc, il y avait notamment une question de est-ce qu'il fallait avoir lu un certain nombre de choses, un certain nombre d'articles théoriques pour pouvoir penser le jeu de rôle? Est-ce qu'il fallait avoir lu un certain nombre d'œuvres fondatrices, par exemple, qui Jérôme Larrey posait la question de s'il fallait avoir lu Donjons et Dragons Boîte Rouge pour pouvoir penser le jeu de rôle, et notamment, alors je pense que dans son approche, c'était quand il y avait une approche, pas vraiment de théorie du jeu de rôle, mais d'histoire, de théorie, mais avec un angle historique, c'est-à-dire notamment pour tous ceux qui pensent, qui font de la théorie sur le old school gaming, est-ce qu'on avait le droit de dire c'était quoi le jeu de rôle old school si on n'avait pas lu Donjons et Dragons Boîte Rouge, quoi. En émettant comme réserve que Donjons & Dragons Boîte Rouge était compliqué et cher à se procurer, quoi. Alors ma pensée, c'est qu'en fait tout le monde est légitime pour faire de la théorie. Valentin a dit une chose très intéressante, c'est que du moment que tu parles de jeu de rôle, bah, t'es en train de faire de la théorie, quoi. Si tu dis, je sais pas, par exemple, on s'en fiche des règles, ce qui compte c'est qu'on s'amuse. Effectivement, ça a pas l'air extrêmement construit comme pensée, mais bon, c'est déjà un argument, c'est déjà une façon de théoriser le jeu de rôle. À la rigueur, peut-être que du moment que si on réduit la théorie par l'émission d'un système de valeurs sur la façon dont on pense le jeu de rôle, eh bien, n'importe qui peut émettre un système de valeurs, quoi. Les opinions, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a une. Alors je dis ça, non, c'est très bien en fait. Tout le monde a une opinion sur le jeu de rôle. Et en plus, comme c'est un média qui est à la fois très participatif et aussi qui est quand même pas mal dans l'engagement, c'est vrai que j'ai presque envie de dire, du moment que t'as fait une partie de jeu de rôle dans ta vie, t'as quelque chose à dire sur le jeu de rôle. Et donc ça, c'est intéressant. Il n'y a pas de. Enfin voilà, il y a des choses intéressantes à prendre de n'importe quelle discussion de convention. Même si vous dites, ah ouais, mais s'ils sont en train de réinventer la roue, ou ils parlent de choses qui sont complètement triviales, j'ai complètement dépassé ça. Enfin, je veux dire, ils sont en train de se demander si c'est important de prendre un accent quand on parle avec la voix de son personnage. Moi, je suis bien au-dessus de ça. J'ai déjà résolu. Enfin, c'est même pas que j'ai résolu la question depuis longtemps. C'est juste que je suis passé à autre chose. Je suis vraiment à la notion de qu'est-ce que, comment on définit son personnage, ainsi de suite. Est-ce qu'on l'incarne? Est-ce que c'est juste un vecteur dans l'aventure, tout ça, machin. Mais tout ça, ce sont juste des niveaux d'analyse. Et c'est pareil, tous les niveaux d'analyse se valent, quoi. Je suis désolé. Il y a un niveau d'analyse qui est de savoir comment on fait des bonnes aides de jeu. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser comment est-ce qu'il vaut mieux imprimer ces aides de jeu ou est-ce qu'il vaut mieux les faire à la main? Eh ben, c'est une grille d'analyse quoi. La GNS, c'est une autre grille d'analyse quoi. Tu peux analyser le jeu de rôle sous l'angle psychanalytique. Tu peux l'analyser sous l'angle des théories des réalités virtuelles. Tu peux l'analyser sous l'angle de la narratologie. Tu peux juste l'analyser sous l'angle de qu'est-ce qui est fun et qu'est-ce qui est pas fun. Voilà, donc c'est toutes les grilles d'analyse se valent. Et toutes les théories rôlistes se valent, y compris celles qui sont contradictoires, quoi. Parce que elles sont. Je peux me tromper, mais qu'en mathématiques, on peut admettre. Je crois qu'on peut s'amuser à jouer avec des systèmes de valeurs ou des systèmes de valeurs contradictoires, où une chose et son contraire sont vrais. C'est juste que ça amène des réflexions qui sont spéciales, quoi. Autre chose. Alors là, moi, dans mon système de valeurs, le jeu de rôle, c'est comment? C'est un média des relatifs. Il va être l'heure que je te change. Ouais. C'est un média des relatifs. Alors ça, c'est une chose qui est importante, qui me vient comme ça, mais qui est vraiment importante pour moi à dire. Il n'y a pas d'absolu en jeu de rôle, dans le sens où comme c'est un truc collaboratif, émergent, avec énormément d'improvisation. Je suis désolé, hein, même si t'es un scénario de 40 pages, tu vas devoir beaucoup improviser pendant la partie. Et puis même si le MJ a 40 pages de scénario, les joueuses, pour la plupart, elles vont énormément improviser, quoi. J'ai pas beaucoup de joueuses qui sont arrivées en ayant préparé les dialogues de leurs personnages à l'avance, quoi. Donc moi j'aime bien penser la théorie comme étant une énonciation de choses qui sont relatives. Donc il n'y a pas de vérité absolue, quoi. Par exemple, si on prend le principe de Shege qui est si on se joue son propre son personnage et son adversité en même temps, on s'ennuie. Si je la prends dans son absolu, c'est de la pure connerie. C'est de la pure connerie, c'est n'importe quoi, c'est de la merde. Si je prends en relatif, je peux l'accepter. Je peux l'accepter. Dans le sens où c'est vrai qu'à la rigueur, je sais pas si je m'amuserais à jouer à Belov de Ben Lehman, où on demande d'affronter d'imaginer dans ta tête comment tu affrontes un dragon et comment tu le vains. Il y aurait peut-être besoin d'avoir un petit peu de contrainte. Déjà, je m'en sors plus avec un autre jeu solo comme The Beast, où on a une série de cartes événements qui vont annoncer dans ma relation avec la bête, qui vont annoncer des nouvelles choses sur lesquelles je vais pouvoir broder dans mon imaginaire, quoi. Même si c'est un jeu solo, et finalement je suis très libre de dire que je triomphe de mon adversité sans problème, mais j'ai suffisamment de contraintes quand même en face de moi pour m'amuser, quoi. Et en fait, le principe de Shege, il va avoir. On pourrait presque parler plutôt de. Si on veut, si on pensait les choses dans un relatif, eh bien on pourrait parler de seuil de Shege. Le seuil de Shege, en fait, ce serait un moment, ce serait une partie de jeu de rôle où la joueuse s'ennuie parce qu'elle a eu le sentiment d'interpréter son personnage en même temps que son adversité à un seuil où elle ne pouvait pas le tolérer. Le seuil de Shege, il va varier d'une partie à l'autre. Il va varier d'une joueuse à l'autre. Moi, par exemple, comme j'adore faire de l'esthétique, de jouer en surplombant mon personnage, mon seuil de Shege, il va être très élevé. Il faut vraiment qu'il y ait une confusion très absolue entre mon personnage et l'adversité pour que. Comment? Pour que je m'ennuie. La preuve, j'ai déjà joué des personnages suicidaires, quoi. J'ai envie de dire, quand tu joues en combativité, c'est censé être impossible de jouer un personnage suicidaire, parce que là, il y a une. Entre guillemets, on est dans une situation où on a confusion entre le personnage et son adversité, quoi. Et puis, il y a des joueuses qui vont avoir un seuil de Shege très bas, quoi. Par exemple, la joueuse qui m'explique que. Quand on lui demande de faire un plan, c'est-à-dire que d'envisager les difficultés que son personnage devra affronter dans le futur, elle est déjà en mode auteur, elle est déjà en train de s'ennuyer ou de se fatiguer, bah elle a un seuil de Shege ultra bas. Voilà. Et là, c'est pareil, moi je trouve que c'est libérateur de penser les choses dans des relatifs, quoi. C'est pareil, dire. Comment? Le paradoxe, comment les trucs impossibles avant le petit déj, de dire, ah bah en fait, dans le jeu de rôle traditionnel, on veut que, comment le jeu de rôle traditionnel ne fonctionne pas parce que il donne le contrôle de l'histoire au MJ et le contrôle des personnages aux joueuses. Et du coup, ça fonctionne pas. Bien sûr, ça fonctionne pas dans l'absolu, t'as envie de dire. Les personnages font partie de l'histoire, donc l'énoncé de base, il est contradictoire. Sauf qu'en réalité, en jeu de rôle, c'est toujours un absolu, un relatif. C'est-à-dire que les joueurs jouent beaucoup de contrôle sur leur personnage, mais il y a plein plein de situations, notamment dans les jeux les plus traditionnels, où en fait le MJ il a une partie contrôle en partie les personnages. De plein de façons, hein. Je veux dire, dans Donjons et Dragons, ton personnage, t'as le choix entre un guerrier, un voleur, un magicien, un clerc. Je suis désolé, tu peux pas jouer autre chose, quoi. Tu peux jouer que ça. Bah déjà, si c'est pas un contrôle sur le personnage, je sais pas ce que c'est. Et de même, le MJ, il a jamais contrôle sur toute l'histoire. Le simple fait qu'il laisse les joueuses justement créer les personnages. Qui justement sont des protagonistes de l'histoire et donc en font partie, ça veut bien dire qu'ils délèguent une partie de l'histoire, quoi. Le seul moment où le MJ a contrôle total sur l'histoire, c'est quand il joue, c'est le jeu de rôle solo, quoi. Et encore, le jeu de rôle solo, si je joue à Beloved de Ben Lehman, qui est un jeu de rôle solo où tu quand même donnes beaucoup de. Qui donne beaucoup de choses à décider par la seule joueuse. Beloved de Ben Lehman me donne quand même des contraintes. Il me dit, t'es censé être un chevalier qui va affronter des dragons et qui va comment pour rechercher sa princesse quoi. Et puis bon, il y a des événements aussi qui sont imposés au fur et à mesure. Je crois que je sais plus, mais il y a au moins un événement où je me rappelle, c'est que la première princesse que tu sauves, en fait, tu te rends compte que c'est pas celle que tu cherchais. Tu dois expliquer pourquoi, quoi. Ainsi de suite. Donc en fait, même quand je joue en solo, j'ai jamais le contrôle absolu de l'histoire. Donc j'ai presque envie de dire, l'article, le truc avant le petit-déj, c'est une proposition putassière qui est juste là pour créer la polémique et après quand même derrière réfléchir un peu quoi. Sur, bah attends, du coup comment on se répartit l'histoire et les personnages quoi. Donc voilà, sur la légitimité. Ah merde, j'avais un dernier truc qui était vachement important. Donc tout le monde, hein, tout le monde peut théoriser. Ça, c'était important. Les absolus, les relatifs. Ah bah flûte, j'ai un truc, j'ai un dernier truc qui me paraît crucial. Je l'ai sur le bout de la langue là. Qu'est-ce que ça va être? Vous allez me voir sécher en direct là. Sécher en direct. J'en ai peut-être pas en fait. Non, c'est ça. Je crois que bah, tout le monde est légitime pour théoriser, parce qu'en fait, dès que tu parles de jeu de rôle, tu théorises. Autre chose qui est importante, évidemment, c'est que la théorie rôliste, ça ne s'adresse pas uniquement aux auteurs de jeu, hein. Encore une fois, il y a un continuum. Ah oui, c'est ça. Donc, il y a un continuum, de toute façon, entre les conseils aux joueuses et les conseils aux maîtres de jeu et les conseils aux scénaristes de jeux de rôle et les conseils aux auteurs, quoi. Ce continuum, en plus, on peut le faire varier. Par exemple, quand Coralie David, dans sa thèse sur le jeu de rôle, a dit les joueuses, désignant à la fois les joueuses qui jouent un personnage et la meneuse de jeu, elle amène une vision transversale, en fait, parce que bon, dans la thèse de Coralie David, majoritairement, les jeux de rôle qui sont abordés, ça reste quand même des jeux de rôle AMJ. Donc on pourrait dire que c'est dans le système de valeurs, dans le jeu de rôle, il y a un MJ, tout ça. Mais le fait qu'elles disent les joueuses, d'une certaine façon en disant, dans mon système de, c'est une façon de dire, dans mon système de valeurs, il n'y a pas une grande différence entre la façon dont le MJ et les autres joueuses et joueuses de personnages utilisent le jeu de rôle. Il n'y a pas une tellement grande différence. Et ben ça c'est vachement intéressant en fait. Donc c'est votre angle de vue. Votre angle de vue va être intéressant, quoi. Et vous pouvez parler du même objet sous tout un tas d'angles de vue différents. Voilà, donc c'était quelques réflexions comme ça en vrac sur la théorie. Je sens que j'ai une espèce de continent noir que j'ai tourné autour durant tout le podcast. Je saurais pas définir. Si jamais il me revient, bah, je vous le mettrai en note. Ça me frustre un peu. Je vois pas de quoi j'ai oublié de parler. Ouais, si, une dernière considération en fait. Je me suis souvent pris à écrire que je ne me considérais pas comme un théoricien dans le sens où j'avais juste besoin de faire des réflexions pour moi après derrière écrire des jeux. Pour autant, finalement, mes réflexions elles portent sur le jeu de rôle en général. En plus, je vous ai dit que j'avais une définition du jeu de rôle immense. Très certainement que je balance pêle-mêle des réflexions qui me serviront jamais pour faire mes propres jeux. Mais finalement, c'est très intéressant de partir d'une réflexion générale pour aller au particulier. Le général, c'est l'ensemble de ce que j'ai défini comme étant le jeu de rôle. Le particulier étant effectivement mes propres jeux. Donc la finalité, c'est mes propres jeux. Bon après, est-ce que je suis peut-être tout simplement pris au jeu de la théorie, puis ça commence à m'amuser d'en faire pour tout le monde, même si c'est vrai que je suis ni le premier ni le dernier à donner des théoriciens à donner priorité justement à l'écriture de jeux par rapport à l'écriture de théorie, quoi. Mais bon, ça paraît difficile de créer des voitures sans s'intéresser à ce qu'est l'automobile en général, quoi. Et ça paraît difficile d'écrire un jeu de rôle sans avoir justement des choses à dire sur ce qu'est le jeu de rôle en général, quoi. Sur ce, je vais vous laisser. Voilà, c'était vraiment le podcast bien fumeux, quoi. Je sais pas si vous êtes encore là après une grosse heure et demie de bafouillage et tergiversations diverses. Si vous êtes encore là, bah, prenez une aspirine, ça va bien, ça ira mieux. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures dantesques dans des donjons avec des dragons, tout ça. Allez, ciao! Alors, suspense, hein, je reviens vers vous parce qu'en fait, j'ai retrouvé le truc que j'arrivais pas à dire. C'était que les auteurs sont les pires personnes pour théoriser leur propre jeu. Alors, c'est un peu en contradiction avec ce que j'ai dit tout à l'heure en disant que les auteurs étaient légitimes à utiliser leur propre jeu pour construire leur théorie. Hein, par exemple, en disant bah, mon jeu permet de produire tel effet et tout. Ce qui peut des fois un peu taxer les. Bon, je sais que par exemple Frédéric Sintès a pu être critiqué dans son article sur le vide fertile, où finalement le vide fertile est censé être une martingale rôliste permettant de produire un jeu, qui a un jeu de rôle avec un cercle vertueux qui est à la fois efficace et invisible. Et il donne comme exemple Dogs in Vanyard de Vincent Baker, qui est l'auteur qui a théorisé le vide fertile. Et il donne comme exemple son propre jeu, Prosopopée. Et on avait tendance à dire, ah ouais, bah, Frédéric, enfin, c'est quand même un peu fumeux de dire, ouais, c'est le truc qui fait que les jeux, qui fait un jeu génial. C'est assez rare qu'il soit présent dans un jeu. Et comme par hasard, les deux seuls exemples qu'on peut nous citer, c'est des jeux bah, des théoriciens. Puis alors, il y a le podcast de la cellule sur le vide fertile, où Fabien Ilvine en rajoute une couche, puisqu'il se présente finalement comme un troisième penseur du vide fertile. Avec Frédéric Sintès et Vincent Baker. Et il donne un troisième exemple de jeu à vide fertile, c'est Monostatos, qui est son propre jeu. Donc c'est presque, on a le sentiment que, en fait, pour que ton jeu produise du vide fertile, il faut que tu deviennes toi-même un théoricien du vide fertile. Et du coup, après coup, ça crée du vide fertile dans ton jeu, c'est quand même génial. Alors, ça s'expliquait d'une certaine façon, de l'air de dire que le vide fertile. C'était un mécanisme de cercle vertueux discret qui était à l'œuvre dans un jeu et qu'on pouvait observer qu'en testant le jeu beaucoup, observer et entretenir, quoi. Alors pour prendre l'exemple de au moins Monostatos, je pense que quand Fabien Ilvine construit Monostatos, il n'a pas, il ne sait pas, je crois pas qu'il maîtrise encore la théorie du vide fertile. Mais du coup, c'est après coup en fait où il rétro-analyse ses parties de Monostatos et il se dit, ah oui, il y a du vide fertile à l'œuvre. Donc tout ça corrobore le fait que les jeux que tu crées, ce sont les jeux que tu connais le mieux. Voire même que tu pratiques le plus, et donc que tu es le plus à même ou t'es le plus à même d'observer des phénomènes rôlistiques, quoi. Pour autant, ce que je veux dire, c'est qu'un auteur est incapable de théoriser ses propres jeux, dans le sens où c'est assez. Enfin, je crois que c'est assez dangereux. Donc, d'un côté, je trouve légitime que les théoriciens du vide fertile estiment que le vide fertile est à l'œuvre dans leur jeu. D'une, parce que c'est assez logique que. Si tu théorises un phénomène, c'est sans doute que toi-même tu l'as utilisé pendant tes propres jeux, et puis que comme si c'est un phénomène qui est observable après, qui nécessite une longue série d'observations pour être vu, c'est logique que ce soit d'abord dans tes propres jeux que tu le vois. Donc pour autant, la contradiction à ça, c'est que il y a deux choses. La première, c'est qu'en fait, malgré tout ce qu'on pourra dire, système d'Osmater, il faut que. Le système d'Osmater, notamment, c'est une théorie qui dit que il faut que, en tant qu'auteur de jeu, tu définisses quelles sont tes intentions, qu'est-ce que tu veux que le jeu produise, et il faut que tu crées un système qui soit au service de cette intention-là. Eh bien, moi, je vais vous dire, déjà, première chose, tout simplement, je me sers de la loi des relatifs. Comme il n'y a aucun absolu en jeu de rôle, aucun jeu ne sert de façon absolue les intentions de l'auteur, puisque de toute façon, comme il y a intervention des joueuses, elles vont forcément apporter des choses imprévues par l'auteur, et il ne peut pas contraindre en totalité le comportement des joueuses. Donc voilà, on ne peut pas respecter à 100% l'intention de l'auteur. Même si l'auteur a pris soin dans son intention d'écarter ce qui paraissait appartenir à l'émergence. Le principe du vide fertile, justement, c'est d'avoir une intention qui se résume à ce qu'un jeu peut contrôler, quoi. Et qu'on fait le deuil de contrôler des choses qui sont censées être du domaine de l'émergence, quoi. Par exemple, les jeux à vide fertile font en partie deuil de contrôler le comportement, enfin, de contrôler la volonté des personnages. Bon, tu préfères le deuil d'autre chose, mais dans un jeu comme Dogs in Vanyard, Prosopopée, on fait quand même en partie le deuil de contrôler la volonté du personnage, on va exercer des contraintes ailleurs, quoi. Donc, autre chose. Mais de toute façon, tu peux pas. Comment? Un auteur peut pas connaître son intention à 100%, je crois pas. Moi, j'y pense pas. Je pense pas qu'un auteur ait une idée précise à 100% du genre d'aventure qu'il veut provoquer. C'est-à-dire que s'il avait une idée précise, je pourrais demander à l'auteur, écris un roman qui est en fait une mise en qui est une mise en pratique de l'aventure idéale de jeu de rôle que tu as dans la tête. Et s'il avait une idée précise, son intention, le roman lui coulerait tout seul. Je dis bien, il lui coulerait tout seul, c'est-à-dire que dès le premier jet, le roman serait terminé. Parce que l'auteur sait exactement ce que le jeu veut, ce qu'il veut produire par le jeu. Mais en réalité, c'est non, c'est pas le cas, quoi. C'est pas le cas, parce que tu vas être. En plus, le game design, c'est un processus d'itération, d'aller-retour entre la table et le crayon. Tu dis, bah, j'ai telle intention. Je pense que si je mets en place telle mécanique, ça va. Encourager l'intention. Sauf que ta mécanique, elle n'encourage jamais à 100% l'intention, elle fait toujours un truc légèrement différent. Elle provoque toujours un truc légèrement différent de ce que tu avais prévu. Moi, honnêtement, Inflorenza, pour prendre le jeu sur lequel j'ai plus réfléchi au gameplay, en fait, Inflorenza ne fait absolument pas ce que je lui demande, ce que je lui demandais de faire au départ. Et même après, si tu veux, par exemple, j'avais dit, comment j'écris dans Inflorenza, Inflorenza c'est un jeu poétique, on peut tuer une armée avec un simple mot, on peut mourir d'amour, tout ça, machin. Mais en fait, quand j'observe les parties, cette idée de mourir d'amour, tuer. Enfin de. Parce que je m'étais dit, oui, bah en fait, on a un système où les conflits sont très abstraits, et du coup, et tu peux utiliser des armes très abstraites pour résoudre les conflits. Et du coup, c'est vrai que techniquement, on peut mourir d'amour dans Inflorenza. Mais on ne le fait pas parce que généralement, on préfère des solutions plus logiques. Donc en fait, ce que j'avais défendu, c'était une forme de gameplay émergent. Et en réalité, dans la pratique, ce que je constate, c'est que le gameplay émergent, il est différent de ça. Et que cette histoire de. Que la poésie d'Inflorenza, elle va intervenir que si vraiment on est OK pour utiliser les mécanismes d'Inflorenza pour y arriver, quoi. Et qu'on peut utiliser Inflorenza pour jouer de façon beaucoup plus terre à terre. Faites l'expérience, si vous voulez jouer à Inflorenza sans aucun fantastique. Sans aucune magie, parce qu'en fait là, ce que je décris, c'est des effets poétiques, mourir d'amour, mais c'est de la magie en fait. On peut tout à fait y arriver, quoi. Il y aura quand même des effets, parce que par exemple, la mécanique, c'était, si comment, on peut, un conflit, l'issue d'un conflit dit deux choses, il dit si on a perdu ou si on a gagné, ce qui était en jeu, et il dit si on conserve son personnage ou s'il est éliminé. Et donc l'idée de mourir d'amour, c'était, bah, par exemple, hein, quelqu'un veut me. Eh ben, par exemple, quelqu'un veut me faire du mal, c'est son objectif. Et en fait, les dés disent que je perds, et ils disent aussi que mon personnage est éliminé. Là, je peux très bien dire, ah bah oui, je suis mort d'amour. En fait, je peux dire que mon personnage est vaincu, et du coup, il s'en va dans le soleil couchant. Et donc, je peux écarter toute poésie d'Inflorenza. Et le problème des fois quand on théorise sur ses propres jeux, c'est qu'on confond. Il y a deux choses en jeu de rôle. J'ai envie de dire, il y a le gameplay. Le gameplay, c'est ce que permettent les mécanismes de jeu. Et le gameplay émergent, c'est l'ensemble de ce que permettent les mécanismes de jeu, mais qui n'était pas prévu par l'auteur. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Le gameplay, C'est ce que le jeu permet et qui était prévu, et le gameplay émergent, c'est ce que le jeu permet qui n'était pas prévu. Et en fait, des fois, souvent, les auteurs qui théorisent leur propre jeu ont tendance à confondre les deux, c'est-à-dire qu'ils vont te parler, disons, ah, mon jeu a tel gameplay, mais en fait, ils parlent de gameplay émergent, c'est-à-dire que c'est des usages, ils parlent de certains usages de leur jeu qui font, quoi. En pensant que leur jeu ne permet que cet usage, et il va dire, regarde, mon jeu est super parce qu'il permet de faire ça. L'exemple que j'ai, alors par exemple, c'est Fabien Invine qui dit Sens Néant, c'est génial si tu veux. T'es pas obligé de jouer un personnage standard, tu peux jouer la fascination, ou tu peux jouer un animal, tu peux jouer le vent et tout. Oui, c'est vrai, le jeu le permet. Alors, c'est encore autre chose. Le jeu le permet. Sauf que le jeu ne l'incite pas. Dans son sens néant, c'est un jeu en campagne. Et du coup, t'as quand même intérêt à avoir un personnage qui soit un minimum cohérent. Et je suis désolé, tu peux pas jouer la fascination sur une campagne de 50 heures, quoi. Peut-être sur un one shot de 2 heures, je dis pas, jouer la fascination, pourquoi pas. Des Inflorenza, on peut jouer des personnages très très abstraits parce qu'on joue sur des one shot. Enfin, encore une fois, c'est le gameplay émergent d'Inflorenza parce que on peut aussi bien jouer sur des campagnes, mais ce que je constate, c'est que les gens utilisent Inflorenza pour jouer des one shot. Moi, le premier. Et pareil, Sens Néant, donc tu peux jouer la fascination, mais tu le feras pas parce que tu vas jouer un personnage qui ça va être un peu plus concret parce que tu joues en campagne, donc tu as besoin de jouer un personnage concret que toi tu puisses manipuler et que les autres puissent comprendre. Et en plus de ça, la création de personnage est quand même un peu longue. Je dirais qu'il faut bien une à 2 heures pour créer son personnage. Et que du coup, tu vas pas consacrer 2 heures de personnage pour créer un personnage aussi abstrait que mon personnage est le vent ou la fascination. Donc du coup, tu vas plutôt créer un personnage concret. Donc il y a souvent, quand un auteur théorise ses propres jeux, il y a une énorme confusion entre ce que le jeu permet dans sa totalité. Ce que le jeu permet en tant qu'outil, mais finalement interdit en tant que système. Ce que le jeu ne permet pas, mais que l'auteur désire qu'il le permette. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, les auteurs pensent que leur jeu arrive à faire tel résultat, parce qu'en fait, eux, ils arrivent à leur table, mais ils ne s'en rendent pas compte, mais ils dérogent à certaines de leurs propres règles. Enfin, moi, je le fais tout le temps, hein. Je sais qu'à Inforenza, en fait, en réalité, quand j'y joue aujourd'hui, je joue certainement d'une façon qui contredit les règles écrites. Déjà, tout simplement parce que les règles écrites, je les connais pas toutes par cœur, quoi. Je joue de mémoire, quoi. Donc je joue forcément, hein, quand je joue à Inforenza aujourd'hui, je joue à un jeu différent que le jeu que j'ai écrit. Donc il y a plein de choses, voilà, qui me donnent envie de dire que l'auteur est faillible à théoriser ses propres jeux. Bon, après, j'ai presque envie de dire il est faillible à théoriser tous les jeux, quoi. Mais il y a vraiment, finalement, il y a un énorme biais à vouloir théoriser ses propres jeux. Parce que l'expérience qu'on en a est finalement, pour le coup, presque trop vaste, en fait, pour être concluante. Et que des fois, ça peut être une meilleure approche que d'avoir une approche distanciée par rapport à un jeu, quoi. Notamment pour discerner, voilà, entre ce que le jeu permet, ce que le jeu autorise, ce que le jeu interdit. Sur ce que je déconseille ouvertement et ce que je déconseille tacitement par effet de système. Il y a tout un tas de choses comme ça sur lesquelles je vous invite à réfléchir. Et là-dessus, je vais vraiment vous laisser. C'était donc mon fameux continent noir que j'ai vraiment abordé là maintenant. Et donc, je pense qu'il est grand temps d'aller se coucher maintenant. Allez, ciao. Alors, j'ai encore oublié un truc. Décidément, c'est vraiment le podcast à rebondissement. Une remarque qu'on peut faire hein, souvent aux théoriciens du jeu de rôle, c'est vous jargonnez. Vous utilisez des mots bizarres. Des fois, vous utilisez des mots techniques empruntés à d'autres disciplines, vous transposez en jeu de rôle. Mais du coup, ça veut plus rien dire, c'est plus le même sens. J'avais écrit un article hein, là-dessus sur comment se crée le jargon en jeu de rôle. C'est compliqué parce qu'en fait, c'est vrai qu'on les théoriciens et théoriciennes essayent de faire des concepts. Et qui dit créer des concepts, m'a dit des fois essayer de les résumer. Enfin, c'est bien quand tu peux résumer un concept en un mot, quoi. Et donc, effectivement, le véritable art, ça serait de réussir à pouvoir théoriser le jeu de rôle en utilisant que des termes consacrés, quoi. Certains s'y refusent, hein, par exemple. Frédéric Saintès se refuse à employer le terme d'immersion parce qu'il estime que c'est un terme qui est trop large, qui recouvre trop de choses différentes. Pareil pour le roleplay, qui se refuse aussi à engager, quoi. Pour ma part, hein, je me suis rendu moi-même très coupable de jargon, hein, et je continuerai à le faire, j'en suis à peu près sûr. J'essaye pour autant que je peux, effectivement, de rester, de garder. Des mots qui pourraient être compris sans qu'on ait besoin effectivement de se référer à tous mes travaux précédents ou travaux des autres, hein, même d'ailleurs. Hein. Donc c'est pour ça que des fois j'utilise le terme de raccord à la place de synesthésie de Frédéric Saintès, que je parle d'aventure de jeu de rôle au lieu de parler de maelstrom, que j'essaye tant que je peux d'utiliser les termes immersion, roleplay, enfin voilà, de, entre guillemets, de parler simple. Hein. À défaut de penser simple, ce qui m'est plus difficile. Donc voilà, c'est une démarche d'humilité, hein, le fait en fait, quelque part, aussi réussir à parler, à théoriser sans jargon, c'est peut-être, entre guillemets, une tentative finalement de rester dans la vérité de ce qu'est le jeu de rôle, et d'éviter de partir dans des constructions trop abstraites qui s'éloignent finalement de notre objet d'étude. Bon, et puis c'est juste un vœu pieux pour essayer, entre guillemets, d'être plus accessible et puis de pouvoir parler de théorie. J'ai dit que tout le monde pouvait parler de théorie, et j'ai envie de dire, le mieux aussi, c'est qu'on puisse parler de théorie avec tout le monde. Bon, sur ce, j'ai plus d'autres idées démoniaques à sortir de ma boîte, et donc je vous dis vraiment au revoir. Allez, salut!